Rex Quondam, Rexque Futurus. Épisode spécial, les chevaliers de la table ronde de Hervé et autres actualités arthuriennes. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rexque Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et aujourd'hui, en ce mois de juillet 2019, nous allons avoir un petit épisode spécial où on va parler de diverses choses qui sortent un peu de notre séquence de classiques arthuriens, notamment un peu l'actualité, qu'est-ce qui se passe en cette année 2019 pour la légende arthurienne. Et on va vous évoquer un petit peu le gros morceau de cet épisode qui viendra à la fin, c'est Les Chevaliers de la Table Ronde de Hervé, qui a été produit par l'Opéra de Lausanne pour leur route lyrique. Donc là, on aura l'occasion de vous parler de cette opérette très comique, très burlesque, qui n'est pas vraiment ce dont on aurait l'habitude ici. Très très peu arthurien finalement, on vous en parlera plus en détail. Mais on pourra parler aussi un peu du cinéma, avec Hellboy qui est sorti en printemps 2019 un peu partout. Pas été un grand succès, un peu victime de la malédiction arthurienne comme d'habitude. Ce film Hellboy a quand même un thème très arthurien, comme on le verra dans un instant. On pourra aussi vous mentionner un peu d'actualité littéraire avec la sortie du Tristan en prose, qu'on a déjà mentionné dans un autre épisode, aux éditions Anacharsis, qui essaye donc de publier cette espèce de monstre de la littérature arthurienne qui est très long, qui vont publier un tome par an dans les années à venir. Le premier tome est sorti, ils nous ont envoyé un petit exemplaire. Et ils ont également fait un podcast, donc en tant que podcast arthurien, on va forcément devoir vous mentionner cela. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un podcast? On pourra en discuter. Mais un petit accompagnement audio de leur roman, de leur traduction en français moderne du Tristan en prose. On pourra aussi vous mentionner, on avait déjà parlé de ce que Frank Miller, l'âme damnée des comics, avait annoncé, qu'il ferait une série, d'abord un roman illustré, puis qui sera adapté en série Netflix, qui s'appelle Maudite plutôt, puisque ça parle apparemment du destin de la Dame du Lac. Le tournage, on le savait déjà, le tournage allait durer jusqu'en octobre 2019, donc c'était très peu probable que ça allait sortir cette année. Le roman sortira en fin d'année, et puis la série l'année prochaine probablement. On aura le temps de se préparer psychologiquement à ce qui va se passer dedans. Faut noter que la série aura quand même quelques personnes assez connues dedans, donc il y aura peut-être un intérêt pour certains, on verra bien. Et dernière chose dont on va vous parler aujourd'hui a priori, c'est un musical, une comédie musicale coréenne qui s'appelle Excalibur, alors qu'il y a eu un destin un peu compliqué parce qu'apparemment elle vient en fait de Suisse, encore une fois. De Saint-Gall. Littéralement. Mais... Puis elle a été transformée, le budget a été multiplié par 50, c'est une production assez monstrueuse, qui parle donc du roi Arthur, de Guenièvre, de Lancelot, de Morgane, de Merlin, ou de Merlin comme ils aiment bien l'appeler. Assez impressionnant de ce qu'on a pu en voir. Je sais pas si on pourra le voir directement, mais on essaiera de vous mentionner ce qu'on en a vu jusqu'à maintenant. Et par quoi tu veux commencer du coup aujourd'hui pour ouvrir l'appétit de nos auditeurs? Je pense qu'on va d'abord commencer par Hellboy 2019, qui est une espèce de soft reboot des films de Guillermo del Toro, d'après le héros de Mike Mignola, connu pour son... Hellboy, c'est vraiment connu pour une espèce, dans les BD en tout cas, pour une espèce d'ambiance surtout, pour des dessins avec ses grands aplats de noir de Mike Mignola, pour cette espèce de mélancolie qui traverse la série, aussi pour le côté un peu, voilà, ésotérisme, fantastique, société secrète, machin... Mais c'est vraiment ça qui était prégnant, et je pense que ça s'est un peu traduit dans la version de Del Toro, qui est aussi, disons, dont le style entre assez bien en harmonie sur cette optique-là de la BD. Il y avait eu deux films. Le film qui est sorti ce printemps, simplement nommé Hellboy, est un soft reboot. Donc c'est un reboot, c'est un redémarrage de la série. C'était censé être une suite au Hellboy 2 de Del Toro. Malheureusement, je crois qu'il pouvait pas trop le faire et donc il a pas. Surtout, il voulait pas que ce soit lui qui l'écrive et qui le réalise, je crois. Et là, c'était Mike Mignola qui, dès le début, devait écrire une partie du script en tout cas. Mm-hmm. Puis ça avait pas été du coup fait avec l'implication de Del Toro et du coup Ron Perlman qui jouait Hellboy a refusé de faire sans Del Toro parce que pour lui c'était vraiment. Ça faisait partie. C'était Del Toro quoi. Et puis c'est vrai que les Hellboy 1 et 2 avaient une ambiance quand même très particulière qui était presque autant celle de Del Toro que celle de Mignola, j'ai l'impression, mm-hmm. dans ce qu'on avait vu. Surtout le 2, qui est mon préféré des deux, je trouve. J'adore le 2, mais effectivement, il n'a pas que des qualités, mais il s'en était pas trop mal sorti, j'avais trouvé quand même. Et c'était un peu dommage qu'on n'ait pas eu la suite par Del Toro. Alors toi, tu as vu la version 2019, qu'est-ce que tu en as pensé La version 2019, je vais dire, je pense qu'elle est vraiment maudite parce que tout le monde, de la même manière que Ron Perlman a quitté la série, c'est un peu le destin de cette série qui est significatif. Quoi. C'était censé être une suite et donc, bien sûr, tout le monde s'attendait à avoir une espèce de suite et allait la comparer aux deux opus faits par Del Toro. Et la comparaison n'est pas ressortie favorablement. Je vais parler un peu de la réception par la critique. Il y a vraiment des gens qui ont dit que c'était le pire film de cette année, ce qui me semble un petit peu exagéré. Honnêtement, si c'est le pire film de cette année, c'était une très très bonne année pour le cinéma, j'ai envie de dire. Mais disons, c'est devenu une espèce de reboot, genre on peut pas avoir le truc original, on va essayer de faire notre propre truc. C'est devenu un film R-rated, donc on va pouvoir faire plus de gore, plus de sang, plus de torture visuelle. Et donc on a des scènes assez, on va dire, dérangeantes visuellement de ce côté-là, même si ça n'a pas plus choqué que ça. Pour le cast, on a eu David Harbour qui jouait cette espèce de shérif sympathique et bonhomme dans Stranger Things, qui jouait le boy. Il a une espèce d'expression énervée et ahurie que je trouve très drôle. Alors je sais pas si c'est complètement fait exprès, mais personnellement je trouve que ça marche très bien. Je trouve que son jeu marche bien. Il y a des gens qui ont dit ouais, c'est un adolescent angsty qui fait des caprices et des crises de colère. J'ai pas été, c'est un peu vrai, mais j'ai pas trouvé que ça marchait mal. Je trouve que ça fonctionne assez bien dedans. D'un côté, c'est un peu aussi ce qu'est Hellboy par moment. Le personnage en lui-même, il a pas que des côtés. C'est pas simplement un adulte complètement réalisé, c'est un démon quoi. Donc ouais, il y a un côté très. Je pense que toute la dimension mélancolique est un peu passée à la trappe pour ce film, mais il reste très sarcastique. Bon, ça c'est assez typique. Est assez, on va dire, assez en conflit justement. Sa nature démoniaque et puis sa vocation d'aider l'humanité face à tous ces monstres, etc., va être un peu le cœur du film, le thème central du film. Dans les autres acteurs, on a Mila Jovovich qui joue Nimue, donc une sorcière maléfique. On a Sacha Lane qui joue Alice Monaghan, une enfant qui a été kidnappée par des changelings quand elle était petite. Et qui en a gardé une espèce de don de prophétie, de voyance de cette expérience. Ian McShane joue Trevor Bruttenholm, le père adoptif de Hellboy, qui était envoyé pour tuer cette engeance démoniaque, mais qu'il a fini par l'adopter. Et Daniel Day-Kim joue Ben Daimo, un flic qui aime pas les monstres. Donc ça fait une espèce de côté un peu buddy comedy cop avec Hellboy, donc ils sont un duo, puis là, genre, tu es un monstre, j'aime pas les monstres. Pour le synopsis, nous sommes au 6e siècle, dans les âges sombres, Arthur et Merlin confrontent Nimue, la Queen of Blood, la Reine de Sang, qui dévaste le monde avec sa pestilence, et ils parlementent, mais Arthur l'a trahi et arrive à embrocher Nimue d'une lance et à la trancher en rondelles avec Excalibur. Ça ne suffit pas à la tuer, et donc il enferme les différents morceaux de son corps dans des coffres qui sont dispersés par le monde, enfin surtout dans les îles britanniques apparemment, et parvenu à notre époque moderne, un changeling autrefois battu par Hellboy rassemble les morceaux de Nimue afin de la ressusciter, et elle va ensuite tenter de détruire le monde en déchaînant des hordes de fées, de démons, de monstres et de zombies sur la planète. Comme le remarquait Phil de Semlien dans sa critique, ça vous fait sûrement penser à The Kid Who Would Be King de Joe Cornish, dont on a parlé dans un épisode consacré. Une méchante femme sorcière tuée jadis par Arthur menace de se réveiller à l'époque moderne et de tout détruire, et nos héros doivent courir contre la montre parce qu'à la prochaine lune/éclipse, la prophétie sera accomplie ou quelque chose comme ça. On a aussi des scènes très parallèles, par exemple le dégoût de Nimue pour la modernité, c'est-à-dire qu'on la voit en train de regarder la télévision, puis elle dit « Ah, c'est dégueulasse, la télé-réalité, ce monde est pathétique », et elle dit même « I must reclaim what was mine », un peu à la Morgana dans The Kid Who Would Be King. Peut-être assez symptomatique de notre époque, donc on se dit « Ah, on va faire une meuf méchante qu'on bute, comme ça on peut buter des meufs, mais c'est quand même féministe parce qu'elle est puissante ». Je sais pas, je pense qu'il y a une espèce de cristallisation de nos angoisses. Donc le film se vendait comme étant très gore, je pense qu'un des thèmes centraux du film c'est un truc qui est finalement très très proche de l'esthétique et disons, de la philosophie de Del Toro. C'est donc l'idée que voilà, Hellboy est un monstre et puis il est dans une organisation de recherche contre le paranormal et de défense contre le paranormal qui se bat contre les monstres, mais il est tiraillé par sa nature parce qu'il se dit, est-ce que annihiler toutes les menaces qu'on rencontre, c'est vraiment la solution? Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de coexistence ou autre chose? Et du coup, Hellboy va être tenté tout le film par le fait que Nimue lui dit, ben, peut-être que tu pourrais accomplir ta destinée avec moi et puis être le roi de ce nouveau monde et on pourrait avoir les monstres qui vivent en paix. Mais Hellboy, bien sûr, va être conflictuel. Il ne va pas forcément céder aux forces du mal. Donc il se vendait comme étant très gore, spritch proch, plein de sang, splotch, Hellboy plus gore que jamais, on dit fuck tout le temps, waouh. Et puis je pense qu'ils devraient virer le mec qui fait leur bande-annonce, parce qu'honnêtement c'est pas vraiment l'aspect du film que j'ai le plus retenu. C'est clairement une dimension du film, on dit beaucoup fuck, mais ça me choque pas plus que ça. Et honnêtement, quand j'avais vu la bande-annonce, j'étais là, j'ai pas du tout envie de voir ce film, ça me donnait pas envie. Et finalement c'est un film qui a, comme je le disais hier dans Nawa, qui a peu de qualité. Il y a des qualités, elles sont, il y en a peu, mais il y a encore moins de défauts. C'est vraiment, il y a vraiment peu de moments où je me suis dit ce film est insupportable. Puis donc il y a ce thème des monstres qui veulent vivre à l'air libre, qui colle assez bien, qui revient en fait beaucoup plus que ce qu'on penserait. Ça revient aussi en ce que le changeling qui ressuscite Nimue, à la base, il avait été battu par Hellboy parce qu'il avait pris la place d'un bébé. Donc les changelings, c'est l'idée qu'ils prennent la place de votre bébé et puis vous le savez pas, mais vous êtes en train d'élever un monstre qui a volé votre bébé en fait. Donc c'est une espèce de peur qui sont centrées sur l'identité et sur la peur du vol de bébé, du remplacement et de est-ce que ce bébé est vraiment moi. Puis donc des angoisses de la paternité et de la maternité aussi qui se focalisent là-dessus. Bah là, en fait, le changeling en veut à Hellboy parce qu'il dit, bah, s'il m'avait pas découvert, j'aurais pu vivre comme un bébé, j'aurais pu être choyé et aimé et vivre une existence humaine, normale. Et puis Hellboy m'a enlevé ça. Et c'est pour ça que c'est ça la base de son désir de ressusciter Nimue. Donc l'idée des monstres qui sont des outcasts, qui sont hors de la société et qui veulent être intrigués, c'est aussi dans les motivations du méchant. Et il y a aussi un twist plus loin qui va faire jouer ça encore plus avec un autre personnage. Ce twist-là, je l'avais vu venir. Un autre twist que j'avais pas vu venir, donc j'étais là, oh tiens, ce film a quand même réussi à me surprendre. Niveau visuel, j'ai trouvé qu'il y avait des passages qui étaient quand même honnêtement satisfaisants. Genre, il y a une scène où Hellboy se bat avec des géants, et puis j'étais là, oh, c'est quand même assez bien fait, où il attrape une épée géante, puis il se bat contre eux. Il y a des choses assez innovantes, peut-être pas innovantes, mais disons audacieuses. Plusieurs critiques ont noté justement, ouais, des choix visuels ou narratifs audacieux. Qui aurait pu payer ou capitaliser, on aurait pu capitaliser dessus dans de meilleures circonstances, là c'est peut-être pas le cas, mais il y a quand même des moments où je me suis dit, ouais, c'est cool. Il y a un moment où Hellboy est dans un ascenseur, il tombe dans une dimension parallèle et il se retrouve face à Baba Yaga, qu'il a déjà affronté par le passé apparemment. Donc on voit une maison avec des pattes de poule qui arrivent sur les ombres, je me dis, ouais, Baba Yaga. Puis il y a Hellboy qui fait Baba Yaga. Et c'est très. Et honnêtement, j'étais là, ah, c'est cool. Sauf qu'un des problèmes, je pense, c'est que le film est très linéaire. C'est-à-dire que je dis le scénario, vous connaissez déjà ce qui va se passer. On va avoir un déchaînement de monstres qui vont tuer des gens dans la rue. Est-ce qu'il va y avoir un pilier d'énergie qui monte dans le ciel? Alors non, il n'y a pas de colonne de lumière. Je crois qu'on a passé la décennie du pilier d'énergie qu'il faut. Son plan maléfique de créer un pilier d'énergie au milieu de New York pour détruire le monde, un portail temporel. Mais c'est basiquement ça, on ouvre une espèce de porte où des démons se déchaînent et détruisent assez, de façon assez Hieronymus Bosch, tu sais, donc des monstres assez pandémoniques, dégueulasses qui arrachent des gens, les transpercent, les coupent en morceaux. Donc là, c'est très gore de ce côté-là. Puis bien sûr, les héros arrivent à accomplir ça d'une manière beaucoup plus arthurienne que prévu, en fait. La légende arthurienne, je pensais que c'était juste la scène de départ et puis qu'au final, ça aurait aucun rapport. En fait, non, ça revient, on revoit Merlin dans la suite du film, il est ressuscité, et puis le thème de Excalibur revient aussi. Mais je pense qu'un des problèmes, c'est que tous les trucs qui sont un petit peu innovants vont rendre le film encore plus linéaire, en fait. C'est-à-dire que, typiquement, vous dites « Arthur a enfermé des morceaux de Nimue à travers le monde ». Ah bah c'est cool, ça veut dire que ça va être une chasse au trésor, course-poursuite avec les méchants pour retrouver les morceaux. Non, parce que presque immédiatement, elle est reconstituée par les méchants. Y a un moment qui est assez surprenant, où justement, on sait que des gens gardaient une pièce et ils se font massacrer, puis la pièce a été volée d'eux. C'est surprenant, puis en termes de drame et de rythme du film, ça marche bien, mais du coup, ça veut dire que le film est encore moins distrayant que ce que vous attendiez, en fait. Vous êtes là, ah, donc il n'y a même pas de course-poursuite, ça ne servait à rien qu'elle soit découpée en morceaux parce qu'elle est immédiatement ressuscitée, en fait. Après, elle doit être complètement ressuscitée, donc il faut faire un rituel, mais le rituel est fait, puis donc il n'y a pas vraiment d'obstacle de ce côté-là. Pareil, on se dit, bon, bah, Nimue est de retour, il faut qu'on la retrouve. Et puis c'est justement à ce moment-là que Hellboy tombe sur Baba Yaga dans cette dimension parallèle et il conclut un marché avec elle pour savoir où elle est. Donc immédiatement on sait où est Nimue, donc il n'y a même pas de challenge de ce côté-là. Et au contraire, dans les scènes d'action, là par contre, ils ont fait en sorte que les scènes d'action soient toujours un challenge, ce qui crée quelque chose d'assez bizarre. C'est-à-dire que Hellboy est toujours juste pas dépassé par la situation dans laquelle il est. Donc c'est-à-dire qu'il affronte des géants, qu'il affronte des humains avec des armes, qu'il affronte un flic ou qu'il affronte un tout petit changeling, il est toujours juste en train de pas se faire buter. Et du coup ça crée quelque chose d'assez bizarre parce que visuellement c'est distrayant et c'est bien rythmé. Mais du coup, ça crée cette situation bizarre où vous avez l'impression que finalement, Hellboy, qu'il soit face à un flic ou un géant, il est toujours juste pas assez compétent pour s'en tirer comme ça. Et ça crée une espèce de rythme bizarre. Donc, du point de l'intrigue et des scènes d'action, vous avez deux philosophies un peu opposées. Mais par contre, ça, je dirais, le côté c'est plus arthurien que ce qu'on croyait. Donc, de ce côté-là, je dois dire, je pensais que c'était juste techniquement arthurien, mais non, il y a un peu plus que ça. Et puis, il y a une scène assez marrante où justement Merlin lui dit « Tu as entendu les histoires du roi Arthur dans ton enfance ?» Puis il dit « Ouais, j'ai vu des films aussi. » Et puis, vous savez, c'est un phénomène pop culture assez standard, finalement. Et ça, c'est une petite soundbite qui pourra être utilisée dans le futur. Mais justement, il a été frappé par la malédiction arthurienne, donc c'est un échec commercial. Il a juste pas rapporté son budget, donc peut-être qu'il va se rattraper avec le DVD qui va sortir bientôt. Bon, il faut faire attention, parce que même s'il se rattrape avec le budget, ça compte. En général, le budget tient pas compte du budget pub. Ouais. Donc c'est en général pour ça que même un film qui fait son budget est considéré comme un échec, parce que ils font pas de profit, puis en plus souvent ils perdent quand même de l'argent parce que tout le budget promotion est pas compté dans le budget du film. Mm-hmm. Donc surtout pour un film comme ça qui a dû quand même pas mal voulu se vendre, j'imagine, ça peut poser problème, disons. Ils ont frappé par la malédiction arthurienne, je pense, c'est clairement un échec. Le DVD va sortir au début juillet, je crois, le 9 juillet 2019, donc vous pourrez peut-être le regarder. Honnêtement, c'est pas un si mauvais film que ça. La critique a été impitoyable. Owen Gleiberman de Variety dit « C'est censé être un épique, hard air, badass, mais c'est une pile d'origine story mélangée, frénétique et mal cuite. » Le John Defore du Hollywood Reporter dit que c'est un film lousy, donc quoi, brouillon, bruyant, désordonné. Pas parce que personne ne le veut ou parce qu'il n'est pas à la hauteur de son budget, mais parce qu'il est lousy, gonflé, moins drôle que ce qu'il essaye d'être, des décisions visuelles audacieuses qu'il aurait pu payer, notamment je pense les ectoplasmes, c'est-à-dire qu'on a une médium qui fait apparaître des ectoplasmes, et ils sont très dégueulasses, donc avec des espèces d'entrailles et d'eau et de chair qui sortent comme ça, puis ça fait très justement ectoplasme du 19e siècle, ces espèces de fausses photos avec des trucs un peu glauques, mais là en version gore, et honnêtement c'est un choix visuel qui est intéressant. Qui apporte pas grand chose. Et puis il y a Johnny Olekinski dans le New York Post qui dit que c'est a grotesque misfire, donc comment dire, un mauvais coup grotesque. Et il dit la course pour le pire film de l'année est en train de chauffer. On pourrait même dire que c'est maintenant plus chaud que l'enfer, car Hellboy en a pris la tête. Honnêtement, le film est pas si mauvais que ça. Et honnêtement, tous les jeux de mots sur l'enfer ou sur que tous les critiques, j'ai essayé de lire plein de critiques de films et personne peut se retenir de faire un jeu de mots sur l'enfer avec le titre du film, et ça à mon avis c'est pire que le film lui-même. Donc comme je disais, si c'est le pire film de l'année, honnêtement c'est que c'était une très bonne année pour le cinéma, donc j'ai été surpris en bien, on va dire, j'ai été déçu en bien de ce film. Il manque cette espèce de mélancolie contemplative qui touche à l'univers de Hellboy ou même à suite Del Toro, mais le thème de base était très deltoresque, hein, les monstres qui veulent vivre à l'air libre. Ça aurait pu fonctionner avec Del Toro Manette, je pense. Et je sais pas comment dire ça, mais peut-être qu'ils auraient pu. Je suis content qu'ils aient pas vraiment fait une origin story. Ils se contentent surtout d'avoir des flashbacks pour expliquer finalement qu'est-ce que Hellboy. Il y a des moments un peu bizarres où justement Hellboy ne sait pas jusque dans le film que son père avait été envoyé pour le tuer, alors que bon, t'aurais pu mettre deux et deux ensemble. Enfin, c'était son job littéralement de tuer des monstres. T'aurais pu deviner. Puis il doit l'apprendre de la bouche du médium qui lui dit « Ton père était venu pour tuer, mais il t'a adopté. » C'est un peu bizarre, mais justement, c'est à moitié une origin story. Et à mon avis, ils auraient pu aller encore plus dans le in media res, encore plus continuer avec des trucs. Genre, à la fin, il y a une espèce de scène où on voit un Ictio Sapiens, qui est donc Abe Sapiens, un personnage homme-poisson, qui était joué par Doug Jones, je crois, dans Oui, dans la version de Del Toro. De Del Toro. Oui. Il y avait... La moitié du cast des films de Del Toro, c'était Doug Jones avec une espèce de costume. C'est ça. C'est ça. Bah là, justement, on pensait que Doug Jones allait peut-être faire un caméo, et puis alors, je crois même pas que c'est lui, mais du coup, c'est un espèce de sequel bait à la fin où on voit, il trouve un tank C'est du bel optimisme, disons. Voilà, là. Non, ça, il va pas y en avoir. Et puis, il y a même une scène post-crédit où on voit Baba Yaga qui recrute, je sais plus le nom, ce que c'est, Korcher, c'est une espèce de figure du folklore russe qui est un personnage qui ne peut pas mourir, qui est une espèce de vieil homme qui ne peut pas mourir et puis qui kidnappe des jeunes gens et tout. Enfin, comme tout le monde dans le folklore russe, j'ai envie de dire, mais... Oui, ça a l'air d'être assez... Korcher, c'est visiblement l'immortel ou le sans-mort, c'est un... un antagoniste du folklore. Est-ce qu'elle est méchante, du coup, Baba Yaga? Elle est méchante, justement. Hellboy lui a crevé un œil, puis justement, elle veut obtenir son œil en échange de lui dire où est Nimue. Et Hellboy le lui donne, mais justement, il refuse de le donner parce qu'il dit j'ai pas donné d'échéance dans le temps, donc je le donnerai une fois que j'ai tué Nimue. Et puis elle se dit je vais faire appel à une autre puissance. Cochet, il est peut-être plus connu parce que c'est le méchant du ballet L'Oiseau de Feu, en fait, de Stravinsky. Ouais, c'est peut-être son côté un peu plus pop culturel, disons, enfin pop culturel, pour autant que Stravinsky peut être pop culturel. Bon, je crois qu'il a eu un rôle dans les Hellboy, puis je fais confiance aux fans de comics de Hellboy qui ont vu la scène post-crédit pour me dire ça. Mais donc, voilà, Hellboy 2019, pas si mauvais que ça, pas si bon que ça, échec commercial. Ça ressemble à beaucoup de ce qu'on parle quand on parle de films arthuriens, mais c'est comme ça, c'est la loi. On en reparle de la pantalogie arthurienne que Guy Ritchie était censé faire. Elle va arriver d'une minute à l'autre. Any second now. D'une minute à l'autre. Eh ben, écoute, donc voilà pour Hellboy 2019, le film arthurien, même si... comme assez arthurien, finalement. Hein, comme... Assez arthurien, il y a toute l'idée de Excalibur, de la descendance du roi Arthur qui joue un rôle là-dedans. Merlin revient un moment, Nimue, bon voilà, c'est une méchante enchanteresse générique. Ça fait presque plus American Gods, en fait, avec le folklore russe à côté, le truc comme ça. Ça fait beaucoup penser à American Gods, en fait, ouais, comme qu'il le pitchait. Et pas que parce qu'il y a Ian McShane dedans. Mais ça, moi j'aime bien ça, cette espèce de fatras de folklore qu'il y a, là, Hellboy, et puis ça me gênait pas du tout, mais le problème c'est que justement, comme je l'ai dit, tous les trucs innovants ont tendance à accélérer le film et en faire un truc encore plus linéaire que ce qu'il aurait pu être à la base, ce qui est pas mauvais en soi, mais ça fait que l'expérience dont vous sortez, c'est pas une si bonne histoire que ça. Ce que j'aimais bien dans Hellboy 2, c'était le côté justement que les elfes et le côté mythologique n'étaient pas du tout liés à une mythologie réelle, enfin pas directement liés à une mythologie réelle évidente, donc c'était assez intéressant, mais là pour le coup ça semble aller vraiment dans l'autre direction, donc c'est un choix intéressant, disons. Voilà pour Hellboy 2019, donc qu'as-tu d'autre à nous offrir, Laïs, en ce beau mois de juillet, pour les fans d'actualité arthurienne? Alors, je vais commencer par vous mentionner, on passe du coup du côté de la littérature, on va faire un petit peu un zigzag, et je vais vous parler du Tristan en prose, qui a été publié aux éditions Anacarsis. C'est prévu d'être en 5 tomes, donc sur les 4 prochaines années, donc jusqu'en 2023, il y aura un tome d'à peu près 600-700 pages qui sortira chaque année. Le Tristan en prose, c'est la tentative de quelqu'un qui s'est dit « J'aime bien l'histoire de Tristan, mais elle est séparée du reste de la légende arthurienne et j'ai envie que ce ne soit plus le cas. » Et donc, c'est basiquement l'histoire de Tristan, mais à la fin, au lieu de mourir, il rejoint la table ronde et puis il va faire la quête du Graal avec tout le monde. Et c'est basiquement une espèce de... On pourrait parler de Tristan Graal comme on a parlé de Lancelot Graal, en fait. C'est vraiment une tentative d'intégrer la légende de Tristan dans le Lancelot Graal, en fait, qui introduit des personnages qui vont être très importants après. Je crois que c'est le Tristan en prose qui introduit Palamède, si je dis peut-être une ânerie, mais je crois que c'est généralement admis qu'il apparaît dans le Tristan en prose. Il sera intégré après à la post-Vulgate, et ce sera un personnage finalement assez important, qui a une postérité assez importante. Mais donc, c'est l'histoire... de Tristan, encore plus Lancelot Graalesque, hein. Là j'ai commencé à le lire, et honnêtement c'est... Tristan arrive à la page 130, hein. Donc je me disais, bah ça va être, on va nous parler du père de Tristan, ou du grand-père de Tristan, mais non, on commence à vous parler de la guerre entre la Cornouaille et le Lenoir, et ensuite on vous parle de leur guerre, puis il y a le roi qui s'échappe, il est fait prisonnier, puis il y a l'autre roi qui s'est épousé sa femme, puis il y a un type qui arrive, et qui... Vraiment 10 couches différentes d'histoires générationnelles, de gens qui se tuent, de fils emprisonnés, etc. Il y a un remake de l'histoire d'Oedipe, où vous avez un type abandonné à sa naissance, qui tue son père, puis qui épouse sa mère sans le savoir. Vous avez des trucs, un côté beaucoup plus antique. Donc les gens sont des païens, mais ils adorent vraiment les dieux romains. Par exemple, il y a un temple de Diane, ils adorent Vénus, ils adorent Apollon, etc. Jusqu'à la christianisation, qui va d'ailleurs venir un peu à l'histoire d'El Saint Graal aussi. Encore plus anachronique d'ailleurs. Mais c'est un peu, donc vous avez ces espèces de guerres entre le Lenoir et la Cornouaille, et en fait le seul élément important, c'est à peu près à la page 80, on vous dit en fait la guerre devient désespérée pour la Cornouaille, et donc ils font appel à l'Irlande, et l'Irlande dit bah quand vous avez aidé ce coup là vous devrez nous payer un tribut, et donc c'est l'origine du tribut de jeunes gens qui est inspiré de l'histoire de Thésée, auquel Tristan va mettre fin en allant tuer le Morholt en Irlande, en fait. Mais donc on a cette origine là et il dit, et c'est le tribut, donc là l'histoire dure depuis un moment, puis j'ai déjà 30 personnages dans la tête, hein, et beaucoup qui sont morts. C'est un tribut qui resta en place pour encore 200 ans jusqu'à l'histoire du roi Marc. 200 ans ! Il reste encore 200 ans avant le roi Marc ! Mais racontez-moi, je m'en fous, racontez-moi pas ça ! Je suis là, déjà que j'aime pas l'histoire de Tristan, si en plus il y a 8... Et ce qui est pire, c'est que vous vous dites, bah, peut-être que ce sera l'histoire de comment les traumas générationnels et les rivalités entre familles se poursuivent sur des générations. Bah non, parce qu'il y a plusieurs moments où ça fait, bah, tout le monde est mort, et puis il y a d'autres rois qui montent sur le trône, en fait. Donc c'est un côté un peu Perceforest comme ça, du coup. C'est un côté très Perceforest, c'est vraiment le même type. Là, c'est une version en moyen français. Je crois que l'édition de, comment elle s'appelle, René... je sais plus, l'édition The Romance of Tristan en anglais commence avec le père de Tristan. Donc tout ce prologue qu'il y a avant, c'est peut-être typique de certaines familles de manuscrits. Je sais pas si c'est une version assez tardive en moyen français qu'ils ont choisi d'éditer. Donc peut-être qu'elle est devenue encore plus fleurie. La version de René Curtis. René Curtis, voilà, exactement. Ne commence pas par ça, en fait. Elle commence genre à 100 pages après. Là, en l'occurrence, ils ont choisi un manuscrit et ils s'y tiennent. Donc justement, c'est pas une édition académique. Il n'y a pas de numérotation des paragraphes. Il n'y a pas de chapitrage non plus, ce qui est peut-être un peu dommage. Ils ont vraiment dit, on va laisser parler le texte. Là où c'est peut-être un peu dommage, peut-être qu'ils gardent ça pour le dernier tome, mais ça aurait été intéressant d'avoir peut-être un catalogue des personnages ou des arbres généalogiques ou des choses comme ça pour un index des personnages pour s'aider un petit peu, parce qu'honnêtement, même moi qui ai un peu l'habitude ou qui ai un peu un intérêt pour ce genre de texte, j'étais un peu perdu. Mais donc, assez intéressant, il y a des épisodes un peu bizarres, genre vous avez un géant qui enferme les gens, puis il les tue s'ils ne résolvent pas ses énigmes, donc une espèce de Gollum très musclé, où il fait des duels d'énigmes, et puis finalement, quand vous réussissez son énigme, il fait finalement, je vais vous garder auprès de moi parce que vous êtes sage et preux, et puis j'ai besoin d'avoir de la compagnie, puis vous êtes là, ah, pas de bol, vous gagnez l'énigme, mais il vous garde quand même en sa compagnie, et puis ça fait, le roi, il a fait emprisonner un roi, puis on vous dit, et puis le roi reste à 12 ans ici, 12 ans donc il y a quand même... Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. L'anachronisme est dingue. Genre, il y a un moment où Saint-Augustin arrive dans l'histoire, puis vous dites, bon, c'est peut-être une confusion entre les deux, Saint-Augustin, qui arrive souvent et tout. Puis il arrive et il commence à évangéliser le pays. Donc justement, ce roi qui avait couché avec sa mère, et qui avait épousé sa mère et tué son père, c'est Saint-Augustin qui vient, puis qui lui dit, tu as commis un grave péché, et puis la mère est foudroyée par Dieu. Et puis après, il évangélise la cornouaille et le noix. Et puis... on nous dit qu'il le fait à peu près en même temps que Joseph d'Arimathie était en train d'évangéliser Irlande. Donc là, quoi ? Donc Saint-Augustin existe en même temps que Joseph ? Joseph d'Arimathie a vécu très longtemps, mais donc vous avez un côté anachronique. C'est sûr que ça peut ni être Saint-Augustin de Canterbury, qui évangélise plutôt les Anglais, ni Saint-Augustin, le premier, quand même 4e siècle, 5e siècle, c'est un peu tard. Bah, c'est possible, parce que Saint-Augustin vit très longtemps, et puis voilà, et puis... Mais c'est... Oui, si tu considères que Joseph d'Arimathie vit 2-3 siècles, effectivement... Mais donc c'est un texte assez intéressant, mais qui se laisse vraiment lire, qui est très feuilletonnant. Donc c'est vraiment, vous lisez un épisode, et puis en fait, c'est pas si gênant qu'il y ait ce foisonnement de personnages, parce que comme je l'ai dit, ça a pas forcément de pertinence dans le temps. C'est-à-dire que chaque intrigue est vraiment liée à l'intrigue qui va suivre, mais vous avez très peu d'éléments qu'on vous demande de retenir, en tout cas pour ce premier tome, qu'on vous demande de retenir sur de longues périodes de temps. Ou bien quand on vous les demande de les retenir, bah on va vous faire un petit rappel, et puis c'est pas si grave que ça, si vous confondez. Mais un texte très foisonnant, très intéressant... Ils ont vraiment mis en avant la dimension littéraire de l'œuvre, donc c'est vraiment mis en vente un peu comme un roman young adult pourrait l'être. Donc vraiment laisser parler le texte par lui-même. Il y a juste une introduction de Mika Birman, et ils vont avoir d'autres écrivains qui... Mika Birman qui a écrit, je crois, Le Blanc au début des années 2000, qui parle d'une expédition en Antarctique, c'est le seul truc que je connais de lui. Ils vont avoir notamment Timothée de Fombelle qui a écrit Toby Lolness, un roman jeunesse qui a été très remarqué, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, qui va faire la préface, je crois, du prochain tome ou du troisième. Donc ça peut être très intéressant d'avoir cette espèce d'aspect que pensent des écrivains actuels dessus en tant qu'objet littéraire, qui est à mon avis très intéressant sur le plan de la revalorisation, parce qu'on a beaucoup d'éditions académiques, mais peut-être aussi que des éditions un peu littéraires et puis grand public comme ça, ça peut être sympa. Mais justement... Très 10-18 comme esprit, en fait. Très 10-18, mais là où ma critique serait, c'est que si vous voulez faire grand public, il faut aussi faire un effort d'accessibilité qui va au-delà de juste mettre tout le texte dans un PDF et l'imprimer, quoi. Il faudrait avoir justement des tables de personnages, peut-être des cartes, peut-être justement des notes qui vous expliquent un petit peu le contexte. Là, il y a très peu de notes, ce qui est un choix, mais qui, à mon avis, ça rend pas l'œuvre plus accessible, en fait. Ça rend pas l'œuvre plus accessible de juste... Disons, ça fait peut-être moins peur. Ça fait moins peur, mais je suis pas sûr que ça la rende effectivement plus accessible. Alors peut-être qu'ils gardent ça, ce serait logique qu'ils gardent ça pour le dernier volume, qu'ils disent on va éditer tout le truc, puis à la fin on va faire notre. Ce serait ma némésis absolue, tu veux dire non seulement des notes de fin de volume, mais en plus des notes de fin de série. Bah c'est ce que Tolkien avait fait, tu sais, d'avoir les appendices. Oui, mais les appendices c'est pas exactement des notes, puis il met des notes de bas de page comme Tolkien quand il a vraiment besoin d'expliquer un truc qui est pas. Non, c'est vrai. Et puis il y a aussi quand même l'essentiel dont t'as vraiment besoin pour comprendre Le Seigneur des Anneaux, c'est au début du livre, c'est pas à la fin. Livre. C'est les extraits sur les coutumes des hobbits et puis le résumé du l'histoire de la famille Brandebook. Là, ce que j'aime beaucoup avec Tolkien, où il se fout un peu de la gueule du lecteur en disant ouais, vous voulez plus d'informations sur le monde ? Alors je vais vous donner 8 générations de hobbits. Non, c'est pas ce qu'on voulait. 9 générations de hobbits. Là, pour le coup, effectivement, c'est peut-être un peu le même phénomène hein, finalement au début avec toutes les générations de droite, de Cornouailles avant Marc. Ça, ce serait un peu ma critique. Je suis en train de le lire et j'aime beaucoup le texte, en tout cas le verbe. Je suis assez satisfait en termes d'objet. J'ai hâte de le lire. Vraiment, je vais lire toute la série avec énormément d'attention. On va parler plus tard dans l'année du Tristan en prose. Donc je mentionnerai un peu seulement le premier tome. Mais C'est intéressant aussi, ils ont lancé un podcast pour accompagner cette série, et je trouve ça aussi très intéressant en termes de valorisation du purement du texte, donc qui rejoint un peu l'oralité de certains de ces textes qui s'étaient perdus. Le Tristan en prose est un texte en prose, mais une des parties qui a été très commentée, c'est qu'il y a beaucoup de poèmes. Il y a beaucoup de poèmes insérés dans le texte, des vers. Donc, beaucoup de parallèles avec Tolkien, finalement. Beaucoup de parallèles avec Tolkien. Typiquement, les énigmes du géant, c'est des vers. Elles sont incroyablement, incroyablement tordues. Et puis, c'est pas vraiment des énigmes, en fait, mais voilà. Et il y a des chansons d'amour, il y a des gens qui se lancent dans des espèces de suppliques. Et les éditions Anacharsis ont contracté un studio qui fait ça et qui, justement, fait les passages chantés. Donc, tous les passages en vers vont être chantés dans leur version. Enfin, tous les passages ont passé des extraits, mais ça permet, à mon avis, une revalorisation assez intéressante du texte. Peut-être la musique n'est pas du goût de tout le monde, mais j'ai écouté leur série. Le 7e épisode est sorti, et le temps que notre épisode sorte, le 8e, qui est le dernier de cette saison, devrait sortir aussi. Puis apparemment, ils vont faire un peu 8 épisodes comme ça pour chacun des volumes, lire quelques extraits. Donc si vous voulez écouter ça, vous pouvez l'écouter en ligne. On vous mettra un lien, je crois que c'est sur SoundCloud. Je suis pas complètement sûr qu'il y ait un flux RSS. Donc comme le dit le petit père des émissions de Radio Kawa, est-ce que c'est vraiment du podcast? C'est une question de définition. Le petit père des émissions, je suis sûr qu'il adorerait cette... Mais en tout cas, on va vous passer un petit extrait d'un de leurs épisodes pour que vous écoutiez ce que ça donne. Tristan se rend en Irlande et accomplit plusieurs exploits qui lui valent la reconnaissance du roi, père d'Iseut. La réconciliation est scellée et le roi lui accorde la main de sa fille pour le roi Marc. Pourtant, le roi voit en rêve les futurs malheurs de sa fille et de Tristan. Vision confirmée par les prédictions d'un sage. La reine, mère d'Iseut, confie alors un philtre à Gouvernail et Branguin. Voyez ce vase d'argent rempli d'un breuvage merveilleux. Quand le roi Marc sera allongé avec Iseut la première nuit qu'ils passeront ensemble, donnez au roi Marc ce breuvage, puis à Iseut. Dès qu'ils auront bu, jetez le reste et méfiez-vous que nul n'en boive, car trop de malheur en résulterait. Ils le reçoivent et l'emportent avec eux sur le navire. Ils quittent à présent la terre, car les marins avaient réuni tout ce dont ils avaient besoin. Le temps est beau, l'air pur, la mer sans colère ni tourment, et le vent favorable selon leur gré les éloigne de la terre dès que la voile est tissée. Le 4e jour, aux alentours de midi, Tristan jouait une partie d'échecs avec Iseut. Le temps était caniculaire et Tristan n'était vêtu que d'une cotte légère en soie. Iseut portait une robe en satin vert. Tristan, qui avait chaud, demande à boire. Gouvernail et Branguin vont chercher des boissons. Gouvernail prend le vase sans se méfier et Branguin saisit la coupe en or et la porte à Tristan. Gouvernail verse le breuvage et Branguin le présente à Tristan. Et lui, qui avait chaud et qui était désireux de boire, boit à la coupe pleine et trouve le vin délicieux. Quand il a bu, il ordonne que l'on verse du vin à Iseut. Et ses ordres sont exécutés. Elle reçoit la coupe et boit. Ah, Dieu, quel breuvage! Quel breuvage! Comme il aura été nuisible depuis. Les voilà qui ont bu. Et voilà entrer dans la danse qui jamais ne finira tant qu'ils auront la vie au corps. Les voilà qui ont pénétré dans une fausse voie où ils souffriront douleur, angoisse, tourment, peine, honte, chagrin et fatigue toute leur vie. Ah Dieu, quelle douleur! Ils ont bu leur destruction et leur mort. C'était un petit extrait du podcast de Studio Doudou pour la mise en valeur du texte de Tristan en prose aux éditions Anacharsis. Vous pouvez aller écouter les 7 et bientôt 8 épisodes maintenant et trouver Tristan, tome 1, Le Filtre, aux éditions Anacarsis, si vous le souhaitez. On revient vous parler de quelque chose de littéraire aussi, mais un petit peu moins littéraire, qui est déjà un peu plus illustré, avec la série, le livre d'abord, puis la série Cursed de Frank Miller et Tom Wheeler. Tom Wheeler, ouais. Alors, on nous en a parlé un peu l'année passée, parce que ça avait été annoncé en mars dernier. Donc, Tom Wheeler, qui était le showrunner de The Cape, Six Seasons of the Movie, pour les amateurs sur NBC. Il avait aussi, je crois, écrit d'autres petits trucs pour DreamWorks. Il devait bosser sur un... Je crois qu'il a bossé sur Trollhunters pour DreamWorks. Il a fait une partie du chapeauté, donc le spin-off de Shrek. Il a aussi écrit le film Lego Ninjago, pour vous donner une idée. Et avec Frank Miller, donc le monsieur Comics Edgy, donc l'auteur évidemment de The Dark Knight Strikes Again, de grandes œuvres comme All Star Batman and Robin, etc. Non, aussi Batman Year One, d'autres grands classiques, disons, de Dark Knight Returns, des classiques un peu plus, disons, classiques, même si ces temps-ci, c'est moins ça, quoi. J'aime beaucoup, il y a Alan Moore qui a rapporté une conversation qu'il a eue avec Frank Miller où il disait: Hey, Frank, t'as pas l'impression des fois qu'on a ruiné les comics à nous deux, parfois? Et c'est rétrospectivement, c'est un peu ce qui s'est passé. Ils ont été des auteurs très edgy, très dark, très sinistres, et qui ont essayé de pousser le comics dans les BD de super-héros dans une toute autre nouvelle dimension. Le problème, c'est bien sûr que, comme d'habitude, les gens en ont tiré un peu les mauvaises leçons. Puis on a eu les années 90, le Dark Age des comics. Je dirais juste que même Civil War, tu sais, juste que dans milieu des années 2000, ouais, l'influence se fait encore sentir. Oui, oui, bien sûr. Et après, j'ai l'impression que... Parce que t'as encore Mark Millar, qui est un peu l'enfant caché de Frank Millar et de Alan Moore. Mais après, je pense que tu peux... La renaissance des comics actuels, je pense que tu peux la remettre à l'antithèse absolue de tout ça, qui était Next Wave en 2007. Ouais. Et maintenant, les comics, j'ai l'impression qu'on sous-estime l'impact que Next Wave avait, parce qu'effectivement, à l'époque, c'était un truc un peu culte, mais pas du tout aussi, disons, célèbre que Civil War ou que les grands moments. Mais rétrospectivement, après tous ces hey, does this A stand for Europe dans les comics américains, on a eu un meilleur moment. Alors, là, il a l'air de s'être un peu calmé quand même, Frank Miller, parce que sur le principe, tu regardes ça, tu fais oui, il écrit ça avec l'auteur du chapeauté et du film Lego Ninjago, tu te dis il a quand même pris il a pris une marche en arrière, disons, il allait se remettre sur quelque chose d'un peu moins edgy que ce qu'il écrit d'habitude, plutôt que des d'un peu plus adapté à un public familial, on va dire, plutôt que des super-héros qui assassinent des musulmans. Ouais, c'est ça. Disons. Il était là, je crois que j'ai atteint mon pic, mon maximum de racisme, et puis je vais essayer de me diriger dans une autre direction créativement. Alors du coup, il va raconter l'histoire. Donc d'abord, ça va être un roman illustré, un roman young adult illustré par Frank Miller, donc, et qui va être adapté très vite qui a dû commencer à être filmé d'ailleurs. Le tournage a déjà commencé, se poursuivra jusqu'en octobre 2019. Donc le roman sortira lui-même en octobre, et la série début de l'année prochaine, en 2020. Et ce sera l'histoire en fait de Nimue, donc Viviane en fait. Nimue, oui, c'est un truc, c'est Mallory, non, qui invente Nimue, le nom complètement pété, ça vient de là, non? Je suis même plus complètement sûr. Vivienne, il me semble que Nimue en tant que tel, c'est une invention plus ou moins malloresque de « Ah, j'ai mal lu », mais en même temps, Mallory, comme tout le monde, 4 Dames du Lac, 5 Viviane, 3 Morgoz. Mallory est lui seul responsable de beaucoup de dédoublements de personnages arthuriens, vous en apercevez si vous le lisez. Donc c'est l'histoire d'une version, disons, adolescente de Nimue, qui va être destinée, maudite en fait, à devenir la puissante et tragique dame du lac. Et après la mort de sa mère, elle va devoir faire équipe avec un jeune Arthur, un jeune mercenaire, dans une quête pour trouver Merlin et lui donner une ancienne épée. Et donc elle va devenir un symbole de courage et de rébellion contre les terrifiants paladins rouges et le roi Uther, qui est leur complice maléfique. Donc c'est vraiment très young adult, apparemment dystopique, ouais, ce genre de truc. Alors la jeune Nimue sera jouée par Catherine Langford, qu'on connaît parce qu'elle était la star de la série Netflix 13 Reasons Why, donc une série aussi basée sur un livre d'ailleurs de Netflix. Bon, un peu tragique, ça racontait justement le suicide d'une jeune fille et les raisons qui l'ont poussée à se suicider, donc c'était un peu pas terriblement sensiblement adapté par certains moments. Je crois qu'il y avait pas mal de controverses sur ça. Elle a aussi joué un rôle important dans le film qui était sorti en 2018, Love, Simon, le film de coming of age gay, qui a eu un grand succès. Ça venait d'Angleterre, je crois, il me semble. Elle-même est australienne. Non, c'est américain, Love, Simon, je confonds avec God's Own Country. Voilà. On a eu pas mal de bons films gays ces temps-ci, donc c'est pas encore assez, mais elle a joué dans l'un d'entre eux, en tout cas, l'année passée. Et surtout, elle devait jouer, c'était un peu le... Ah, elle sera dans Avengers Endgame. En fait, elle était censée jouer, spoilers pour Avengers Endgame, la fille de Tony Stark, adolescente. Elle a été coupée du film, je crois. Donc, on en verra plus d'elle, en tout cas, dans Cursed l'année prochaine. Elle joue avec un casting quand même un peu assez intéressant. Il y a Gustav Skarsgård, qui est donc un des fils de Stellan Skarsgård et qui jouait surtout Floki dans Vikings, donc pour les amateurs de séries TV historiques. Et on y retrouvera aussi le personnage secondaire qui, à mon avis, va jouer Arthur, va être Devon Terrell. Alors Devon Terrell est surtout connu pour avoir joué Barack Obama dans le film Barry, qui racontait la jeunesse d'Obama quand il était à New York, à l'Université de Columbia. Donc, potentiel, disons, intéressant. En tout cas, ce sera peut-être pas aussi, disons, blanc comme neige que ce à quoi on pourrait s'attendre. Donc, a priori, ça a l'air assez intéressant pour le coup. Je pense que Gustav Skarsgård joue Merlin. Ça m'étonnerait qu'il joue, vu son rôle de Floki. Ce serait son registre. Ce serait surprenant. Et ils ont aussi recruté Peter Mullan, qui est un acteur écossais, qui était dans... Je crois que son rôle le plus connu, enfin en tout cas du point de vue de la critique, c'est... il a joué dans My Name is Joe de Ken Loach. Il avait gagné le prix du meilleur acteur à Cannes en 98. Il a fait pas mal de films, de séries anglaises. Il a joué notamment dans Harry Potter, dans les derniers films Harry Potter. Il était dans War Horse. Il a joué dans quelques films. Il était Akela dans le dernier film sur Mowgli. Donc, un acteur anglais, disons, respecté. Je pense, a priori, qu'il doit jouer Uther. Disons, ça serait surprenant que ce soit pas le cas. Voilà, donc Cursed s'annonce... Ben, sur le papier, on disait Frank Miller qui fait du young adult arthurien. C'était très Cursed, effectivement. Ouais. Disons, je ne vais pas dire que je suis optimiste, parce que ça ne sert à rien d'être optimiste sur un projet comme ça. Mais disons, je suis curieux quand même de voir ce que ça va donner. C'est vrai que c'est intriguant, mais il y a cette espèce, comme je l'avais déjà dit, qu'on avait annoncé, je crois, l'année passée, qu'il y avait déjà les prémices du truc. Frank Miller, il a ce truc où il est un peu genre, ouais, on dit que je suis un vieux réac et tout, bah, je vais mettre une protagoniste meuf, ça vous la coupe. Hein. Puis c'est un peu ce qu'il avait fait bah, justement pour Dark Knight, le Dark Knight 3, où c'était, bah, maintenant c'est une jeune fille qui va reprendre la relève. Puis donc là, je pense qu'il y aura une espèce de message un peu semi... Frank Miller était un des premiers à avoir fait une Robin fille hein, aussi ouais. dans The Dark Knight. Donc, ouais, ça participait un peu de son. C'était un des aspects qui était de son côté moderne. Son côté modern edgy, justement, où c'était ah, bah, moi ça me fait pas peur de faire ça. Là, honnêtement, de la production, on a juste vu une image de Nimue qui se tient avec son espèce de vêtement semi-médiéval avec une épée dans une flaque, enfin dans une mare. Pour l'instant, bah, on n'a rien vu quoi, de ça. Il y a quelques illustrations qui ont quand même. Il y a des illustrations de la série. On a vu Nimue avec face à un ours, je crois. Une image d'elle avec l'épée. Bon, c'est très Frank Miller, donc c'est très late Frank Miller là. C'est très géométrique. T'as vraiment des corps humains composés vraiment de carrés, de trapèzes un peu. Ouais, je suis partagé parce que d'un côté, graphiquement, c'est relativement intéressant le fait qu'il pousse toujours plus loin de ce côté-là. Je sais pas si vous avez déjà vu ces dessins de Superman qui sont absolument terrifiants. Mais bon, elle a les lèvres énormes de tout personnage féminin de chez Frank Miller. Les lèvres énormes et un bloc de lèvres comme ça sur le visage, un bloc de cheveux sur la tête, des yeux noirs et puis beaucoup de lacets. Alors là, il y a une couverture où elle est face à Excalibur qui brille et puis elle a des lacets sur les manches, sur le torse, vraiment des lacets de fermeture sur ce vêtement qui ont l'air en quantité démesurée. Pour l'instant, c'est pas pire que ça, la fameuse couverture Catwoman de Detective Comics qu'il avait commis il y a quelques années. On va dans une meilleure direction, disons. Donc, il a un style particulier qui est quand même intéressant, assez stylisé justement, qui peut marcher pour un projet de ce genre. Donc voir si après l'esthétique de la série fera écho à ça. Je sais pas, l'image qu'on a vue pour l'instant, c'est juste Catherine Langford qui tient une épée dans un lac, je crois. Donc ouais, c'est pas mais on va voir ce que ça donne. Moi, je lirai le livre avec curiosité, puis l'année prochaine on vous parlera sûrement de la série. Après, c'est vrai qu'elle a beaucoup de lacets, même dans son costume. Ouais, même dans son costume, je sais pas ce qu'il a, il a un truc, il était là, plus de lacets. Sur les concept art, il en rajoutait encore plus. Franck, on peut pas juste mettre des lacets ici. Historiquement, c'est vrai que c'est assez correct, parce que c'était la principale façon d'attacher des habits jusqu'à l'invention du bouton. disons là, là. Je sais pas si ça sert à grand chose d'avoir des manches couvertes de lacets de l'épaule jusqu'au poignet. Bah si, parce que tu peux les resserrer, déjà les manches attachées par des lacets, ouais, à l'épaule, les manches attachées, c'est la norme. Mais je pense que, en l'occurrence, bon, il y a beaucoup de lacets, c'est sur un costume. Je pense que c'est une façon de resserrer la manche si tu dois la prendre le vêtement portable. Pour des vêtements pour enfants, ça fait sens, disons, pour un adolescent ou une jeune personne, parce que du coup, t'as besoin que d'un habit que tu peux resserrer suivant la taille, donc c'est moins, disons moins coûteux vu que le. Mais bon, plutôt que de verser dans les questions de production textile dans l'Angleterre post-romaine, qu'on va être intéressé à voir ce que ça va donner, disons. Comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours de la peine à critiquer les dessins de Frank Miller parce qu'il a une. C'est proverbial, cette espèce de déclin terrible. Mais le truc, c'est que je me sentirais très mal si j'apprends demain qu'en fait, il a une maladie dégénérative et puis qu'en fait, c'est pas vraiment lié à ça. C'est pas juste une évolution de son style, mais en fait, il a vraiment un problème de cornée ou bien un problème moteur qui fait qu'il arrive plus à dessiner comme avant. Je me sentirais très mal si c'était le cas. Maintenant, je n'en sais rien. Donc après, il a toujours eu ce côté un peu particulier. Maintenant, c'est vrai que ça se stylise de plus en plus. C'est peut-être juste ce truc où tu deviens un peu la parodie de toi-même au fil du temps quand tu pousses de plus en plus le bouchon sur ce qui fait ton style. Donc, c'est peut-être juste un développement naturel. Mais je sais pas. C'est parfois, ça a quand même un côté un peu inquiétant. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, à voir donc en octobre, je crois. Enfin, à l'automne pour le roman. Et à puis, l'automne pour le roman, l'année prochaine. Printemps 2020, a priori, pour la série télé. Non, franchement, la série télé, pour le coup, c'est le truc qui sera potentiellement le moins cursé des deux, j'ai envie de dire. Parce que la combinaison... C'est Netflix, quoi. Un roman, c'est difficile. J'ai l'impression que c'est plus facile d'écrire un roman qui va me faire... me mettre mal à l'aise qu'une série, disons. Là, c'est Tom Wheeler donc, qui écrit. Je sais pas, je connais pas bien Tom Wheeler. C'est Tom Wheeler qui écrit principalement le roman, donc on verra bien sûr. Non, je pensais pas à ça, mais je pense, même si c'est Tom Wheeler qui écrit le roman, ouais, disons, on va voir ce que ça va donner, quoi. Après, franchement, c'était pas mauvais de Cape, hein, c'était pas horrible, disons. Mais ouais, je suis pas le plus optimiste du monde sur la qualité, mais en tout cas, les acteurs qu'ils ont recrutés, là, je suis plus optimiste, disons. Ouais. Disons, l'acteur qui joue. Qui est censé jouer Arthur, j'imagine que c'est lui. Devon Terrell était pas mal en Barack Obama. Catherine Langford est une très bonne actrice. Gustav Skarsgård qui joue a priori Merlin, je prends les paris, disons. C'est un bon acteur aussi, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. On peut dire ça comme ça. Et maintenant, pour passer de la littérature à la scène, pour notre dernière transition de genre de l'épisode, on va vous parler d'abord d'une comédie musicale, enfin... De deux comédies musicales, mais oui. Enfin une seule, mais essentiellement. Puis après, on va passer à une petite opérette. Mais alors, déjà pour la comédie musicale, de quoi s'agit-il, Laïs ? De quoi s'agit-il quand on parle de Excalibur ? Alors, de Excalibur, ce n'est pas Excalibur avec un E, ça commence avec un X suivi de Calibur. Excalibur, c'est le nom d'une comédie musicale sud-coréenne qui se joue à Séoul en ce moment, qui vient de démarrer. Donc, quand vous écoutez, je crois que le grand début, c'était le 19 juin. Il y avait des scènes un peu, des avant-premières le 18, un petit peu avant. Juste avant, il y avait des espèces de vocalises. Des principaux acteurs qui étaient aussi semi-publics apparemment. Ça vient de se lancer, c'est donc un musical arthurien qui n'a pas commencé en... C'est une espèce de remaniement d'un musical, comme on l'a dit, suisse, dont on parlera dans un petit instant, mais il s'agit d'une espèce de production à gros budget comme... je crois que c'est BKE, la société de production, en a le secret, qui se passe en Corée du Sud, avec énormément de sets, d'acteurs, de moyens mis là-dedans. Vous avez de la pluie sur scène, des effets de projection, des effets de fumée. Niveau mise en scène, c'est vraiment, c'est un peu plus, c'est un petit peu au-dessus de l'opéra de Lausanne, on va dire, de ce côté-là. Il s'agit de l'histoire, a priori, alors on sait pas exactement parce qu'il y a très peu d'infos dessus en ligne et puis ça a été modifié par rapport au musical d'avant, mais basiquement c'est l'histoire d'Arthur depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte et comment il va devoir s'affirmer pour être un roi auprès de Guenièvre, de son lieutenant Lancelot. Un de ses antagonistes sera un Saxon nommé Wulfstan, donc avec un nom bien saxon, et puis ils ont des peaux de loup et des sacrifices païens. Arthur et ses compagnons sont très chrétiens, on voit une attaque de monastère par les Saxons notamment qui est assez apocalyptique. Et on a, ça c'est assez typique apparemment des comédies musicales coréennes, plusieurs acteurs qui jouent chaque rôle. Donc vous avez deux actrices, deux chanteuses pour Morgane, vous avez trois chanteurs pour Arthur, deux chanteurs pour Merlin. Alors je sais pas s'il y a un tournus ou si c'est plus une question de répartir le poids et puis de permettre que de pouvoir tourner dans le long terme sans avoir tout le monde à disposition. Notamment dans les gens qui, je crois, jouent les je crois que les trois jouent Arthur, d'ailleurs. Vous avez Kai, qui est donc son pseudonyme, qui a déjà joué dans le du théâtre musical, dans des productions coréennes de A Tale of Two Cities, de Dickens, dans Les Trois Mousquetaires, dans Phantom, qui est donc une production du Fantôme de l'Opéra. Kim Jun-soo, qui a bossé dans des musicaux comme Mozart, Elisabeth et Death Note. Mozart, je ne sais pas si c'est Mozart l'Opéra Rock, ou si c'est, je crois, c'est possible que ce soit un remaniement de Mozart l'Opéra Rock, ou bien c'est un autre qui est juste vaguement basé sur Amadeus. Et puis le musical de Death Note, comme j'ai dit. Et puis, quelque chose qui a attiré l'attention de la fanbase K-pop sur Internet, c'est que vous avez DK, ou Dokeom, de son petit nom, le lead chanteur du groupe Seventeen, qui est un groupe composé de 13 membres, un boys band de 13 membres, qui sont assez populaires ces temps-ci, pour qui c'est son début sur la scène de la comédie musicale. Et puis donc, beaucoup du commentaire que j'ai trouvé sur Excalibur en ligne, c'est des fangirls de K-pop qui disent « Je vendrai un de mes reins pour pouvoir assister à Excalibur, Dokeom a l'air si mignon et apparemment tout le monde dit qu'il réussit ». Sa présentation. Donc forcément pour nous c'est un peu difficile d'accéder à la langue de la production, parce que voilà, on parle pas le coréen. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que apparemment c'est un remaniement d'une comédie musicale de chez nous, en fait. Bon, c'est une comédie, en fait c'est ce milieu des comédies musicales un peu internationales, donc c'est pas Broadway, c'est pas le West End, il existe toute une scène, disons, essentiellement européenne, un peu australienne, et aussi américaine, parce que ça tourne aussi aux États-Unis parfois et au Royaume-Uni, de créateurs qui produisent des œuvres justement qui sont souvent jouées la première fois, par exemple à Paris, à Vienne, en Allemagne, et en l'occurrence en Suisse romande, en Suisse alémanique, une fois à Saint-Gall. Un exemple récent que j'étais allé voir, c'était la version viennoise du Bal des Vampires de Polanski, qui avait été ensuite adaptée en français. Souvent, on traduit beaucoup. Une de ses œuvres qui a eu un destin, disons, plus en évidence que d'autres, c'est évidemment Les Misérables, qui était à la base une comédie musicale française, qui a été ensuite traduite et qui a eu tout son succès d'abord à Londres, puis ensuite à New York. Mais parfois, donc ça émerge, hein, on a des œuvres qui émergent parfois. Si vous pensez que Les Dix Commandements, Mozart l'Opéra Rock, récemment, on a eu La Légende du Roi Arthur. La Légende du Roi Arthur. Donc c'est comédie musicale à la Dovatia française, ouais. qu'on trouve, qui ont beaucoup, beaucoup de fans en France, hein, qui sont des gros succès en France. Il y avait Le Roi Soleil, par exemple, qui était à la grande époque. Qui sont des gros succès, mais qui sont vus comme un peu kitsch ici, puis forcément, voilà, ça passe un peu sous notre radar. Mais ça, des fans, si vous êtes vraiment. Il y a des gens qui sont très fans de comédie musicale, que ce soit américaine ou européenne, et parfois vu que c'est difficile le marché américain n'est pas le seul à produire ça, on en trouve aussi effectivement un peu partout. Et en l'occurrence, Artus Excalibur, puisque c'était le nom de cette production d'abord saint-galloise, a été écrite par la musique a été écrite par un compositeur américain qui s'appelle Frank Wildhorn, qui a notamment écrit entre autres une comédie musicale sur Jekyll and Hyde, je crois que c'est sa plus célèbre. Et puis il a aussi écrit par exemple Where Do Broken Hearts Go, qui était un hit de Whitney Houston. Donc il a fait un peu de tout. Il a écrit des... Quand on regarde sa production, c'est beaucoup des trucs qui sont joués pour la première fois. Alors parfois en Australie, parfois au Texas, parfois à Minneapolis. Donc c'est une scène un peu secondaire, disons, par rapport aux grandes scènes internationales que sont le West End et Broadway. Mais c'est quand même des succès qui tournent pas mal, qui sont produits un peu partout dans le monde. Parfois il a écrit spécifiquement pour le Japon, puis après ça vient en Europe. Parfois c'est l'inverse. Parfois c'est justement la Corée qui reprend des choses. Donc visiblement il y a beaucoup de choses qui ont été. Il a notamment fait une comédie musicale Death Note, par exemple, qui a d'abord été créée, je crois, au Japon, puis ensuite reprise en Corée du Sud. Donc c'est très international, en fait, comme scène. Puis justement, il avait déjà collaboré avec Kim Jun-soo pour cette comédie musicale Death Note. Et puis je crois que c'était la troisième ou quatrième collaboration avec Jun-soo, donc il est quand même un peu habitué de la scène coréenne. Il a déjà collaboré avec plusieurs fois avec ces sociétés de production là, et du coup si vous regardez les interviews, il est là-bas en train de donner des interviews avec d'autres des producteurs américains. Il ajoute peut-être un côté un peu de cachet. Disons, il y a aussi ce côté effectivement très international, quoi, de la production, parce que c'est basé sur. Alors culturellement, une combinaison Disney et King Arthur de 2004, hein, l'ambiance visuelle en tout cas. Ouais. Il y a beaucoup à dire sur ça. Je pense que c'est très le prestige un peu de la grosse production, quoi, un peu. Du showbiz un peu, ouais. Disons, c'est le genre de production un peu. Pour moi, c'est un cran au-dessus de Allez regarder Les Légendes de la Table Ronde, donc, qui a aussi été adapté en Corée cette année, en fait, justement. C'est le moment arthurien, si vous voulez faire des comédies musicales en Corée du Sud, visiblement. Il y a un côté au-dessus de « Ah, on est au Palais des Congrès » ou à l'Arena de Genève. Disons, c'est une étape au-dessus, c'est quand même plus... C'est une production qui aura moins besoin de faire de tournée, typiquement, parce qu'elle elle tourne à Séoul, là, ça va être dans un théâtre, en dur, c'est vraiment un modèle, c'est vraiment le modèle américain, en fait, où comédie musicale parisienne, vous allez voir aussi des comédies musicales comme ça en France, ça a duré peut-être... Après, je suis pas sûr que ça a aussi la vocation à durer aussi longtemps que certaines comédies musicales sur Broadway qui peuvent durer pendant des décennies, voire plus longtemps encore. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment. Je peux me tromper parce que je connais assez mal le truc, mais j'ai l'impression que justement, cette espèce de waouh, Les Misérables sont encore en train de tourner, c'est leur 82e saison, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu moins dans ce milieu coréen. Mais après, peut-être que je peux me tromper. C'est très fort dans le West End. J'ai l'impression, je sais pas si c'est le cas aussi à Broadway. Broadway, là, les grands qui me viennent en tête, c'est les trucs des débuts des années 2000. Là, on pense à Broadway, à Wicked, qui est le grand succès. Les Mises, est-ce que c'est toujours à Broadway? Je suis pas sûr qu'ils soient encore à Broadway. Je crois pas. Je pensais plutôt à Le Roi Lion, par exemple, qui est un gros succès. Oui. Alors que dans le West End, c'est effectivement Les Misérables, le Fantôme de l'Opéra. Dans le West End, c'est le grand classique. Le Fantôme, il joue encore en Corée. Donc, ça ne m'étonne pas. Maintenant, c'est peut-être des choses comme Mathilda. Disons. De toute façon, en France, je ne suis pas sûr qu'il y ait un marché aussi énorme parce que les gens ne vont pas forcément à Paris ou à Séoul pour aller voir une comédie musicale. Les touristes vont aussi voir d'autres choses. Ouais. Alors qu'il y a des gens qui vont à New York juste pour aller à Broadway, quoi. Bon, je crois que dans la scène un peu K-pop, il y a des gens qui ont été voir. J'ai trouvé des gens sur Internet qui ont été clairement à Séoul juste pour ce genre. Après, ce genre c'est vrai que c'est le côté un peu croisement entre la fandom. Théâtre musical et K-pop. Et la fandom de la K-pop. Les deux pires fandoms. Je pense qu'on trouve facilement pire. Mais je pense que nous, on représente une faction extrêmement horrible de la fandom arthurienne, par exemple. Ouais. Et donc, c'est assez particulier. C'est honnêtement intéressant. Bon, là, bien sûr, on voit pas bien l'histoire, mais c'est clair que c'est pas dur de deviner. Genre, je regardais parce qu'il y a une vidéo que vous pouvez trouver sur Kakao TV, donc je crois que c'est pas illégal, donc je vous mettrai le lien. Mais qui a une espèce de vidéo de présentation à la presse. Alors, je comprends pas bien leur business model parce que c'est des interviews avec le cast. Et puis, au milieu, vous avez des moments musicaux, mais il doit y avoir. C'est une vidéo qui fait 1h40 et il doit y avoir 40 minutes de musique dedans. Donc c'est la comédie musicale, fait 2h30, 3h. C'est ça, c'est bizarre. Je sais pas combien de. Bah, ils sont prêts à montrer une large part de leurs chansons comme échantillonnage, bah, c'est sympa. On comprend pas forcément grand chose si on parle pas le coréen, mais bon, c'est pas très dur de deviner que cette dame blonde avec un arc et puis sa compagnie d'Amazon qui ont des arcs, oh, ça doit être Guenièvre. Ce jeune lieutenant beau et qui a une espèce de rivalité avec Arthur, ça doit être Lancelot. Cette méchante dame qui fait des sortilèges dans sa cave avec un éclairage sinistre, ça doit être Morgane. Le type avec une bure. Et puis un air très sage, ça doit être Merlin. Le méchant avec des tatouages sur le visage et puis une peau de loup, ça doit être Wolfstan. Ils ont un méchant qui s'appelle Wolfstan. Donc, littéralement, les pauvres évêques anglo-saxons de Wolfstan ne sont pas morts pour ça. Non, c'est. Donc ça doit être, honnêtement, ça doit être une bonne production parce qu'elle a beaucoup changé de la version de Saint-Gall. Ils ont changé beaucoup de numéros musicaux originaux, changé. L'histoire, genre à Saint-Gall, il y avait encore Uther Pendragon qui violait Morgane, et puis l'un des antagonistes c'était Lot. Apparemment, c'est passé à la trappe. Là. Vous pouvez voir des extraits de la version saint-galloise sur qui date de 2014 sur YouTube. Franchement, vous voyez les vidéos, vous dites où là, il y a pas le même budget clairement. Il y a pas le même budget. Non, vous avez deux personnes sur scène avec un arbre là, alors que la version à Séoul, vous avez des estrades pour couper la scène en deux. Il y a une esthétique un peu, Eric Rohmer dans la version de. Ouais. Saint-Gall, Eric Rohmer slash Vilain Wagner, il y a un côté beaucoup plus, voilà, disons, sobre, mais tout en étant incroyablement plus kitsch aussi. Les costumes particulièrement sont assez particuliers dans la version de Saint-Gall. Donc là, pour le coup, ça c'est un peu plus générique, mais vraiment, franchement, c'est pas une mauvaise valeur de production. Tu me montres ça, c'est un peu générique, c'est un peu pas spécialement original, mais... ça marche assez bien, quoi. Non, les costumes sont pas très... Justement, c'est assez générique. Donc, les chevaliers de la Table Ronde, en tout cas, les personnages principaux, ont des espèces de tabliers, d'uniformes en cuir un peu mousquetaires de la BBC, ou bien justement Merlin dans la série Kaamelott, dont je parlais justement, qui était un peu pour moi la malédiction du faux médiéval, où c'était, il a une chemise blanche et puis une espèce de tenue en cuir. Ça marche pas trop mal, parce que typiquement, ça respecte une espèce de code couleur, où on voit que Lancelot est toujours en bleu-gris. Arthur, quand il est couronné, il a la cape rouge avec l'hermine et puis une grosse couronne en plastique. C'est assez unilatéral. Les nonnes dans les monastères, c'est vraiment des nonnes que vous pourriez avoir, des nonnes contemporaines, quoi. Donc c'est peut-être un petit peu distordu. Les paysans sont habillés, ils ont des espèces de fourches en bois, puis ils sont habillés un peu justement paysans animés. Genre, c'est vraiment quand vous regardez un animé qui dit voilà le Moyen-Âge occidental, vous avez les paysans qui sont habillés vraiment comme ça, avec des fichus sur la tête, en brun, beige, gris. C'est assez. univoque comme représentation. Les Saxons, bon voilà, vous imaginez comment ils sont. L'esthétique m'a fait un peu penser à la comédie musicale Le Seigneur des Anneaux aussi, ouais. De 2006 à Toronto. La meilleure adaptation du Seigneur des Anneaux, bien sûr. La seule. La seule adaptation que je ne l'ai jamais vue, mais... J'espère qu'ils vont capitaliser un peu sur leur marché, puis qu'ils vont sortir un DVD. Je sais pas si ça se fait, mais j'espère qu'ils vont sortir un DVD avec des sous-titres anglais, parce qu'honnêtement, je regarderais ça avec avidité. Puis vu leur fanbase, je vois la quantité de gens qui tweetent justement « je buterai quelqu'un pour aller voir Excalibur et puis voir Doki Home », et puis qui tweetent ça en indonésien, en tagalog ou en des langues d'Asie du Sud-Est. Oui, disons, à mon avis, il y a une influence culturelle qu'on sous-estime peut-être un peu ici, parce qu'on se dit « ouais, bon, théâtre... » Déjà, il y a une fandom du théâtre à l'américaine de cette comédie musicale très... voilà, j'ai pas envie de dire commercial, c'est pas nécessairement très commercial, mais c'est souvent c'est les grosses productions comme ça qui se combinent avec la fandom K-pop qui est déjà importante en Europe, encore plus ces temps-ci, mais qui doit en plus se combiner avec une influence culturelle réelle dans la sphère autour de la Corée du Sud, quoi, mine de rien. Ça doit être une diffusion culturelle importante, disons. Donc je suis assez curieux de voir effectivement ce que ça donnerait si ils le filmaient et qu'on pouvait voir une version... en DVD. Donc là, il y a une diffusion télévisée, donc c'est clairement pas au-delà de leurs moyens. Je sais juste pas si ça se fait ou si c'est possible de l'acheter ou s'ils projettent de le vendre à un public international, si ça se... Si en ça tout existe. Cas, il y aura un cast album, à mon avis, mais bon, ouais. C'est pas forcément ça qui va se révéler être pour nous plus simple à comprendre. Qui ne parlons pas la langue. J'ai la vidéo de Kakao TV, on vous mettra le lien si ça vous intéresse. Je sais pas si elle restera en ligne très longtemps, d'ailleurs. Puis il y a quelqu'un qui a posté un commentaire avec des timestamps, des chansons qui est pratique et avec ce qui est à peu près des titres ou des paroles de ses chansons, et grâce à Google Translate, j'ai à peu près une idée de ce dont elle parle. Ça fait très comédie musicale, donc vous avez « Ce monde brûlant, cette route se déroule devant moi, un homme avec une épée », donc très littéral, « S'il est ici maintenant », qui parle donc apparemment de l'avènement du roi, donc l'épée vient d'être enlevée, puis quelqu'un dit « Ah si, le roi est enfin arrivé », « Les péchés du père, souviens-toi de cette nuit, allez seul ». À mon avis, il y a eu terre dans l'affaire, hein, si il y a les péchés du père... C'est probablement « Désir ». L'amour sent, bon là il y a peut-être une erreur de traduction, et puis reprise de la neige dans les yeux. Donc là, là je suis intrigué quand même, merci Google Translate. Avant de passer au chevet de la table ronde, on va peut-être vous passer justement un petit extrait de ce musical. Je vous propose, pour traduire grossièrement, Souviens-toi de cette nuit, donc qui met en scène le couronnement d'Arthur. I komi, 여러분이 제게 주신 희망의 상징. 주님이 허락하신 믿음의 증표가 되게 하소서. 이제 여러분은 단 한 번도 싸워본 적이 없는 적들과 맞서게 될 것입니다. 비록 수적은 밀리지만 우린 반드시 승리할 겁니다. 왜냐하면 우리의 힘은 군대의 크기가 아닌 여러분의 용기에서 나오기 때문이죠. 평등한 원탁 앞에 모여 우리 백세마리 하나가 되어 정의로운 세상 만든다고 이제 형제 또 친구 우리 한 뜻으로 모여 기억되리라 원탁의 기사도 항상 명예를 지키고 진실을 찾겠는가 네, 그러겠습니다. 법의 심판 앞에 자비와 정의를 지킬 텐가 네, 그러겠습니다. 그 앞에 맹세하라 엑스칼리버 사람이 먼저라고 자유를 위하여 나의 진실 영원한 맹세 지키리라 기억되리라 하나의 땅들 나를 위해 기억되리라 Voilà, donc c'était Souviens-toi de cette nuit, un extrait tiré de la comédie musicale coréenne Excalibur. Tu arrives à me dire les noms des interprètes, Laïs? Alors, de ceux-ci, non, malheureusement pas. J'ai essayé de trouver des listes de cast, mais comme on l'a dit, il y a 3 personnes qui jouent Arthur, 2 personnes qui jouent... donc j'aurais de la peine à vous le dire, en fait, il faudrait que je fasse la combinatoire de qui est dans quoi. Mais donc un cast, donc par le cast de la comédie musicale Excalibur, qui se joue à Séoul. Bah si vous êtes à Séoul, hein, à part ça, si vous on êtes a peut-être des auditeurs non. internationaux, des jet setters qui filmez-le dans votre poche et puis ramenez-le nous sous-titré s'il vous plaît. Non, c'est pas très gentil. Non, mais si vous en savez plus, par contre, si vous êtes des auditeurs, non, si vous y connaissez quelque chose, peut-être informez-nous parce qu'on connaît pas du tout ce milieu, cet univers culturel. Et puis donc si vous y connaissez, on sera heureux d'avoir votre courrier. Si vous y connaissez en comédie musicale arthurienne coréenne, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Voilà, alors de cette comédie musicale arthurienne, on va passer à ce qui est peut-être la plus ancienne comédie musicale arthurienne en existence, techniquement, sauf si on considère que le King Arthur de Purcell est déjà une comédie musicale, ce qui, en étant un semi-opéra, est d'une certaine façon vrai, mais lisons, la comédie musicale moderne trouve vraiment ses recettes, ses origines dans ce qu'on peut appeler le light opera ou l'opérette ou l'opéra bouffe, qui... Ben, est en fait créé plus ou moins de toutes pièces par un milieu créatif français. Alors c'est un peu un débat Offenbach, sur qui est... Hervé, on dit souvent qu'Hervé est l'inventeur de la comédie musicale. Alors c'est un peu l'opérette, pendant longtemps c'était un peu Offenbach a inventé l'opérette, et puis après on s'est dit, ah, peut-être qu'en fait non, c'est Hervé dont on va vous parler, qui a inventé vraiment cette forme-là. Maintenant, en tout cas, les deux étaient rivaux, amis, collaborateurs parfois, donc en tout cas c'est le même milieu qui a vraiment créé cette forme-là. Disons, ouais, Hervé est un compositeur donc français de la deuxième partie du 19e siècle, un rival, ami de Offenbach. On lui attribue généralement le titre de premier compositeur d'opérette parce qu'il a écrit ce qu'on appelle une pochette, un divertissement qui s'appelle Don Quichotte et Sancho Panza, ou Panza, ou enfin, je sais pas comment vous prononcez, Sancho Panza, avec le fantaisisme Joseph Kelm en 1947, donc ce serait un des premiers auteurs de vraiment d'opérette. On voit que la question de la chevalerie comique est déjà quelque chose qui l'intéresse d'ailleurs. Oui, c'est ça. Bah, en général, l'opérette, il y a beaucoup de recyclage de contexte historique. Hein. On peut penser par exemple à La Belle Hélène d'Offenbach, on peut penser, enfin, l'historico-mythologique, La Belle Hélène, Orphée aux Enfers. Hervé a aussi écrit un Chilpéric par exemple, basé sur le roi mérovingien fait Chilpéric. Donc il y a vraiment un intérêt pour, disons, le côté parodique. Ça fait écho aussi à ce qui était à la mode à l'opéra à l'époque. Le grand opéra à la française du milieu du 19e siècle, c'est des énormes surproductions qui sont, par bien des aspects, en fait, assez voisines de choses comme ce qu'on peut voir avec Excalibur ou même des choses comme Mozart l'opéra rock ou... Ouais. Ce genre de grosses productions avec beaucoup de moyens, très recherchées, la volonté longues. De sublimer un contexte historique, et puis l'opérette par miroir, si on va prendre le contexte plus ou moins sérieux, grave, et puis on va faire un truc grotesque. Ce qui est assez rigolo, c'est que le grand opéra, même si on en a beaucoup de traces parce que c'était culturellement assez à la mode, ça n'a absolument aucun intérêt, c'est très peu joué aujourd'hui. Le seul qui a survécu d'une façon plus ou moins grande, c'est les Huguenots de Meyerbeer. Ouais. Qui commence à être un peu rejoué, qui est peut-être un peu un des plus, disons, des plus beaux. Ceux qu'on connaît peut-être le mieux, c'est les Italiens, en fait. On pensait à Aida, Nabucco de Verdi, par exemple, voire à des choses comme, je sais pas, dans l'autre sens, disons, au début du 19e siècle, les œuvres de Rossini ou de Donizetti sont peut-être un peu plus... voisine de ça, mais l'âge d'or du grand opéra français a un peu disparu parce que ces trucs étaient très sérieux, c'était très dramatique, c'était pas forcément très original et c'était long surtout, sans grand intérêt musical pour nous de nos jours. Les opérettes ont mieux survécu comparativement, même si Hervé a été un peu obscurci par Offenbach en fait. Offenbach a connu un grand succès immédiatement déjà, il a ouvert plein de théâtres, il était très demandé, c'était l'équivalent un peu français de, je sais pas, Gilbert et Sullivan en Angleterre. Il a été joué tout au long du XXe siècle, et il a eu quelques continuateurs, on a des gens qui, soit en France, soit même en Allemagne ou en Autriche, quelqu'un comme Franz Lehár avec La Veuve Joyeuse par exemple, qui a eu un succès après lui. Mais Hervé, en tant que contemporain, a eu beaucoup moins de succès. On s'est souvenu de lui parce qu'il a composé un opéra un peu basé sur une opérette un peu basée sur sa vie qui s'appelait Mamselle Nitouche, où il y a un personnage d'organiste slash acteur chanteur qui est en fait basé sur sa propre vie. Au début, il a commencé sa carrière comme enfant de chœur, puis choriste donc, et puis organiste pour des églises. Puis après, il est devenu prof de musique, acteur, directeur de théâtre, un peu tout à la fois. Il a aussi fait c'était le compositeur Toqué qui l'avait fait, qui s'inspirait aussi beaucoup de sa vie et qui lui a valu son surnom. On l'appelle souvent son espèce de petit nom, c'est le compositeur Toqué du titre d'un de ses premiers opéras. Oui, il faisait beaucoup d'opéras à une scène, des trucs pour du café-concert ou pour des petites scènes comme ça. Alors justement, à Paris. Je voudrais peut-être t'arrêter sur un point de définition. définition, on a parlé d'opérette, d'opéra bouffe, d'opéra, on n'a pas encore parlé d'opéra comique, une catégorie voisine, ce serait le vaudeville. Donc qu'est-ce que ce serait vraiment, voilà, peut-être pour ceux qui connaissent pas du tout, peut-être un peu parler un peu de définition, qu'est-ce qu'on entend par là, hein? Est-ce que une opérette, c'est pas juste un opéra comique avec de la bonne musique, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de plus Alors l'opéra comique, par définition, c'est un opéra où on a des dialogues parlés entre des scènes chantées. Pensez à Carmen, par exemple. Carmen, ouais. C'est un opéra comique. C'est un opéra comique pas parce qu'il est particulièrement drôle, pas parce qu'il se finit assez mal d'ailleurs, mais c'est un opéra comique par définition, justement, où on a cette combinaison. C'est l'équivalent du Singspiel, en fait, allemand. Ouais. La flûte enchantée, par exemple, ou l'enlèvement au sérail de Mozart, c'est proche de ce qu'on appellerait une comédie musicale classique, où on a justement, bah, comme dans Excalibur, par exemple, ouais. Voilà, la version coréenne, on avait des dialogues parlés qui sont entrecoupés de scènes chantées. Par donc... opposition à l'opéra classique, qui a des récitatifs, qui sont soit qui peut avoir soit des récitatifs comme par exemple chez, je pensais à Mozart ou, à Don Giovanni ou à Les Noces de Figaro, là vous avez des parties de dialogue qui ne sont pas vraiment parlées ni chantées mais qui sont un peu chantonnées. Ouais. Sur une base continue. Donc théoriquement tout chantonné, et puis la différence de l'opéra comique, c'est qu'il y a des parties parlées. C'est pas vraiment une question de genre ou de grotesquerie ou de comique, voilà. Vraiment. C'est une question de voilà, il y a même, des parties parlées. Même si par définition les opéras comiques ont souvent gardé des sujets plus légers. Ouais. Et après la notion d'opéra bouffe naît en fait avec Offenbach. C'est Offenbach qui utilise le premier le terme. Même si on parle d'opéra bouffa depuis très longtemps pour parler en fait d'opéra drôle. Bouffa, ça veut vraiment dire bouffon. Ouais. L'opéra bouffe, c'est vraiment par essence un opéra comique au sens moderne du terme. Un opéra bouffa, ça pourrait être par exemple Les Noces de Figaro. Ouais. Parfois, il faut aussi de drama giocoso pour parler d'un opéra qui se termine bien. Ouais. C'est la définition, je crois que c'est comme ça qu'est appelé Don Giovanni, par exemple. Même si Don Giovanni, ça se finit bien parce que le méchant de l'opéra, Don Giovanni, va aux enfers. Ouais. Même si Don Giovanni, c'est assez drôle comme opéra, faut bien le dire. Donc, il y a vraiment cette définition un peu troublée. L'opérette, c'est vraiment le côté de l'opéra comique, mais purement léger. Très léger. C'est pas comme Carmen qui a une intensité dramatique. On est vraiment de la musique légère, on est dans des airs populaires. L'opéra comique, comme Carmen, va avoir de la musique savante. Ce sont des compositeurs, ouais, qui font aussi de la symphonie, qui vont aussi... C'est pas pour dire que les compositeurs d'opéra, d'opérette vont pas aussi faire de la musique savante, mais l'opérette en tant que genre est un genre beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à écouter. Et c'est en ça qu'on lui a peut-être attribué le statut d'ancêtre de la comédie musicale un peu. Ouais. Pensez aussi à Gilbert et Sullivan, c'est aussi très voisin en fait comme style d'opéra de ça. Et c'est pour ça que les œuvres d'Offenbach sont un peu à la frontière entre les deux. La Belle Hélène, la Vie parisienne, la Périchole ne sont pas vraiment des opérettes. C'est pas de sujet léger de ce côté-là. Si, c'est des sujets légers, mais la musique n'est pas légère. Ah. La musique d'Offenbach est plus construite, les airs sont donc quand même plus savants. C'est une opposition entre musique populaire et musique savante, alors. C'est peut-être un peu plus là qu'il se fait la différence. Et si vous écoutez les airs, effectivement, les airs d'opérette sont souvent beaucoup plus légers, beaucoup plus... manquent un peu parfois d'originalité, se répètent plus, on prend plus volontiers des thèmes populaires, et on les joue un peu, de façon un peu assez directe. J'ai l'impression qu'il y a moins de... On est plus proche évidemment du théâtre musical ou de l'opérette à l'anglaise de Gilbert et Sullivan. C'est vraiment de la musique qui n'est pas nécessairement extrêmement complexe à écouter. On ne se repose pas sur des harmonies complexes, on ne va pas faire de contrepoint. Offenbach, ouais, est un peu plus savant que la, ouais, moyenne, même s'il construit aussi des opérettes, même s'il faut aussi, oui, des opérettes comme par exemple, je sais pas, Monsieur Choufleury par exemple, ouais, c'est une opérette en un acte. Par contre, La Vie parisienne, c'est plus un opéra comique. Donc il, bon, y a cette distinction-là. Ouais. C'est aussi compliqué par le fait qu'il y a des régulations complexes sur le théâtre à Paris. En France, ouais, tel théâtre, certains genres de théâtre ne sont pas autorisés à produire certains genres d'opéra. Ouais. Il y a des monopoles particuliers. Et c'est sous Offenbach, en fait, c'est sous l'influence d'Offenbach que ces limites vont commencer à s'ouvrir un peu, ouais, et que des compositeurs comme Hervé vont pouvoir un peu trouver leur bonheur. Même si Hervé a une carrière un peu particulière parce qu'il a eu un succès, il a fait venir Offenbach en quelque sorte au premier plan de la scène en lui laissant jouer dans ses cafés-concerts, dans ses cafés-théâtres. Et après, en fait, il y a eu une grosse parenthèse pour Hervé qui a été impliqué dans une affaire de meurtre. Enfin, il a été jugé et condamné pour détournement mineur, en fait. Et... Oui, il a abusé, donc sous tout rapport, d'après, si on lit le jugement et les témoignages, etc., il a abusé, il a essayé d'abuser sexuellement, agresser sexuellement un jeune de 12 ans qu'il a fait venir chez lui. Et puis, l'oncle du jeune homme et le jeune homme lui-même n'ont pas eu l'air d'aimer ça. Et puis, il a fait, je crois, quand même, il avait une peine de 3 ans de prison qu'il n'a pas fait entièrement, mais il a quand même fait 18 mois de prison, quoi. Voilà, ça a mis une grosse parenthèse à sa carrière. Et quand il est revenu, bah, c'était Offenbach Bar qui était sur le devant de la scène, justement. Et Hervé a su profiter, en quelque sorte, du conflit dans lequel Offenbach était rentré avec le théâtre qu'il avait fondé, Les Bouffes Parisiennes. Et c'est comme ça qu'il a pu faire produire sa première grande opérette, disons, en plusieurs actes, pour opposer à ses petits divertissements qu'il avait fait avant, qui s'appelait justement Les Chevaliers de la Table Ronde, donc en 1866. Voilà. Donc du coup, un dernier petit mot de définition, un autre genre qui est relativement voisin de l'opéra comique, etc., c'est le vaudeville. Vous devez probablement connaître le terme, qui partage avec les thèmes très populaires, donc souvent des thèmes de comédie de mœurs, donc d'adultère, des maris cocus, des femmes légères, etc. Mais disons, la définition du vaudeville, bon, je crois déjà, normalement, un vaudeville, c'est toujours en un acte, et puis aussi, si je dis pas je dis peut-être une ânerie, mais je crois que généralement, c'est un acte, et aussi, le vaudeville, normalement, c'est des airs populaires. Donc, théoriquement, un vaudeville, vous n'avez pas de musique originale. Après, la définition tient rarement la route, mais souvent, quand vous regardez des vieux vaudevilles, des livrets de vaudeville, ça vous met musique de la Carmagnole. Puis donc, en fait, on n'a pas inventé une musique, on a juste pris un air, puis on a mis des nouvelles paroles dessus. Et puis, des fois, c'est terrible, ils mettent air connu. Puis donc, bonne chance pour retrouver. Des fois, vous pouvez retrouver la musique si vous connaissez un peu la rythmique, vous remarquez, ah bah oui, c'est cette chanson-là. Mais c'est un peu ça la différence. Mais ils sont tous assez voisins. Puis donc, ce genre d'opérette est vraiment un développement, comme tu l'as dit, ça va être la comédie de mœurs, à la finalement Molière, puis à travers Beaumarchais, puis Mozart, Les Noces de Figaro, qui a été poussé un peu dans sa dimension un peu la plus parodique, satirique aussi. Satirique, bouffonesque, je sais pas si c'est un mot, mais... Après, il y a vraiment, faut pas trop s'attacher à ces définitions non plus, parce que même si elles revêtent des catégories qui peuvent parfois être des catégories légales, c'est aussi très floues. Par exemple, Offenbach parle parfois pour certains de ses opéras, Bataclan, par exemple, c'est une chinoiserie musicale. Léo Delibes propose une asphyxie musicale avec deux sous de charbon. Anthropophagie musicale pour Vent du Soir d'Offenbach aussi. Donc bon, il se moque un petit peu aussi. Oui, c'est ça aussi. Il y a l'opérette, disons, peut aller de côté vraiment très parodique, comme en l'occurrence Les Chevaliers de la Table Ronde, qui clairement fait écho par bien des aspects à non seulement la mythologie arthurienne et chevaleresque en général, mais aussi à Offenbach. Dans ses situations et dans son comique de situation, mais va aussi dans le côté, vous avez des opérettes qui sont beaucoup plus sérieuses, disons, dans le sens premier degré, des bluettes, des histoires d'amour un peu génériques. Donc ça recouvre des catégories très vastes et c'est peut-être pas trop utile de s'attacher, même si on vient de passer 10 minutes à parler de la définition de l'opérette. On serait pas nous sans ça. Ça peut être bon à savoir. On va peut-être parler un petit peu plus du contexte de production, mais avant je vais déjà vous résumer un peu l'intrigue centrale pour que vous ayez une idée de ce dont on parle avant qu'on parle justement du contexte, ça ira peut-être un peu mieux. Une des figures centrales, c'est vraiment Rodomont, le duc de Machicoulis, qui est une espèce de... Vous vous rappelez du terme rodomontade, donc c'est un personnage qui est devenu très stéréotypé dans le temps, comme une espèce de matador, un type assez beuglard, vantard, imbu de lui-même, et qui fait un peu tout casser. Là, il est un peu, c'est un peu lui le cul de la blague, le butt of the joke, on pourrait dire. C'est lui qui va être un peu le dindon de la farce là-dedans. On va se moquer de lui, parce qu'il a un peu toutes les angoisses masculines, en fait. Typique, il a plus d'argent, ses caisses sont vides, il pense que sa femme le trompe, d'ailleurs, parce qu'elle s'habille luxueusement. La duchesse Totoche, alors que les caisses sont vides, elle arrive à s'habiller luxueusement, donc il pense qu'elle doit avoir un amant. Ils sont à court d'argent, donc elle se dit elle doit avoir un amant qui l'entretient. Et elle a effectivement un amant, mais c'est même pas de lui que vient l'argent. Elle le trompe avec son sénéchal Sacripant, donc un autre terme qui a acquis une portée un peu, c'est devenu un terme commun, Sacripant. Mais c'est pas de la clin d'argent, en fait, elle a vendu la couronne du duc et elle a projeté de la remplacer par un faux avec l'aide de Merlin. De l'autre, bon, faut dire aussi, Sacripant, à la base, est un personnage d'Orlando Innamorato, donc c'est un personnage arthurien, un personnage para-arthurien, disons, en tout cas. De chanson de geste. De chanson de geste. Mais je pense que déjà, à l'époque, il devait avoir pris une connotation un peu négative, parce que sinon, ça serait pas aussi drôle. Je crois qu'il lui donne quand même de l'argent, il lui paye des choses, et la couronne, c'est vraiment le dernier sort qu'elle a choisi pour dépenser les derniers sous dont elle a besoin. Donc, c'est la dernière extrémité, disons. De l'autre côté, il y a la fille du duc Angélique qui lui cause souci également, car elle grandit, elle veut connaître les choses de la vie, de l'amour, et lui, ça l'angoisse de voir sa fille devenir un être sexuel. Mais cependant, il va quand même essayer de renflouer ses caisses et sa réputation en organisant un tournoi, dont un des prix de consolation, d'ailleurs, ça fait partie du comique. C'est le troisième prix. C'est le troisième prix, ce sera la main de sa fille Angélique, et on précise d'ailleurs qu'on ne pourra pas se la faire rembourser. Oui, parce que les autres prix peuvent se faire... on accepte de les donner en francs, si jamais... Le chevalier Roland veut conquérir la belle Angélique, donc Roland Ducor, le neveu de Charlemagne, au cours de ce tournoi, malgré le fait qu'il est déjà engagé à la fée Mélusine et qu'il a un peu abandonné la vie de chevalerie. Et Mélusine est plutôt jalouse. Donc la fée Mélusine est plutôt jalouse et elle le tenait enfermé jusque-là, puis elle veut le garder pour elle. Donc elle va lui courir un peu après. Puis aussi, il y a une autre personne qui convoite Angélique, c'est, en plus des autres chevaliers dont on va parler, c'est le précepteur d'Angélique, son professeur, le troubadour ménestrel Médor, qui veut aussi obtenir sa main, même s'il n'a pas la noblesse qui va avec sa prétention. Roland gagne le tournoi face aux autres preux de la table ronde. D'ailleurs, il n'y a que Lancelot qui est vraiment de la table ronde, les autres, c'est un peu des chevaliers justement para-arthuriens. Préciser, Médor, pour nous, c'est un nom de chien de nos jours, mais c'est vraiment aussi un personnage de la légende de Roland. Hein. C'est ça, c'est vraiment l'Orlando Furioso. Angélique et Médor, je crois que c'est un personnage africain d'ailleurs. C'est un personnage. C'est un sarrasin, mort, un sarrasin. Et c'est un sujet assez. Vous voyez, il y a plein d'Angélique et Médor qui sont peintes au 19e siècle, du 16e au 19e. C'est un sujet assez classique. On se rend pas forcément compte, mais ils ridiculisent beaucoup des personnages qui étaient quand même des topos de la littérature épique. Quoi. En fait, fini de résumer, puis après on parlera peut-être un petit peu de d'où viennent tous ces personnages, en fait. S'ensuivent donc des subterfuges, déguisés en troubadour, Mélusine endort Roland lors du festin avec l'aide de Médor, avec une potion pour le kidnapper. Médor prend la place de Roland dans son armure et épouse Angélique en secret. Rodomont fait emprisonner la duchesse Totoche et Merlin. Il y a un peu leur plan qui est à moitié découvert parce qu'il croit que, comme il a vu Totoche et Merlin comploter ensemble, il croit que c'est Merlin l'amant de Totoche alors qu'en fait non, c'est Sacripant. Tout le monde s'enfuit un peu dans tous les sens, s'ensuit ensuite le dernier acte après le mariage, des quiproquos qui sont un peu un ressort comique assez courant de ce type de d'opérette. Tout le monde se précipite au château de Mélusine où elle a enchanté les chevaliers de la table ronde qui étaient partis à la recherche de Roland, donc ils sont dans une espèce de palais des délices sous les charmes de Mélusine. Rodomont est de plus en plus paranoïaque, il croit donc bien sûr que Merlin est l'amant de sa femme, mais aussi que Sacripant a épousé sa fille, parce qu'il a disparu à peu près au moment où le supposé Roland a disparu, puis qu'on se rend compte qu'en fait c'était pas Roland dans l'armure. Donc c'est le ressort comique, des gens qui discutent de tout ça en croyant une situation, les gens qui discutent ensemble pensent pas à la même situation, puis du coup ça crée la situation un peu comique parce qu'ils parlent pas de la même chose. De même, Angélique commence à réaliser que c'était peut-être pas Roland, et elle se met, qui était là lors de sa nuit de noces, et donc elle se met à la recherche de qui est-ce qu'elle a vraiment épousé. Parce que Roland notamment n'a pas de souvenir de la nuit de noces, donc elle commence à avoir des soupçons. Finalement, tout est bien qui finit bien. Rodomont abandonne sa couronne à Sacripant, qui peut donc régner avec Totoche. Il abandonne aussi Totoche à Sacripant. Le mariage de Médor et Angélique est confirmé, et Roland finalement se résigne à revenir avec Mélusine. Donc tous les couples sont reformés, et puis on chante et on danse, et c'est la fin de la pièce. Il y a un côté vraiment très donc vous le voyez c'est techniquement arthurien parce que t'en as pas beaucoup parlé, mais il y a des personnages arthuriens dedans. Il y a donc Merlin qui est dans la version qu'on a vue est appelé Merlin II, mais je crois qu'il s'appelle pas Merlin II à la base. C'est Merlin le fils de son père, c'est vraiment le oui, mais fils. Il s'appelle pas Merlin II, mais c'est Merlin Junior, quoi, c'est le fils du Merlin je d'origine. Je sais pas justement parce qu'à l'origine la blague c'est que son père est malin. Donc, non, c'est Merlin le fils de Merlin. Le fils et successeur de son père, mais est-ce qu'il est fils et successeur du démon? Parce qu'il y a la blague sur son père est malin, je sais pas. Non. La version française, la version qu'on a, il y a deux versions en fait que vous pouvez voir, donc on vous en parlera. Mais j'ai l'impression que la version originale est plus ambiguë, alors que la version lausannoise qu'on a vue, mais clairement c'est Merlin 2. Par contre, la chose sur la plus intéressante, c'est justement pas ces personnages arthuriens. On retrouve effectivement donc Lancelot qui apparaît brièvement. On retrouve Ogier le Danois. Et avec Merlin, c'est les seuls personnages arthuriens en fait. Ogier est même pas tant arthurien que ça, parce que souvent il est plutôt lié à Roland, non? Il me semble qu'Ogier apparaît dans certaines versions. Alors, il y a des croisements de toute façon, mais c'est... Ogier est un des chevaliers de Charlemagne, mais c'est vrai qu'il apparaît aussi parfois dans des versions... Il y a de toute façon des croisements, mais vous avez Renaud de Montauban qui... Ah, c'est vrai qu'à la base, il est surtout dans la chanson de Roland, en fait, Ogier. Mais c'est vrai qu'il y a des croisements de toute façon, mais Renaud de Montauban, par exemple, c'est aussi la geste de Charlemagne, donc il fait partie des quatre fils Aymon, qui sont une espèce de famille de rebelles contre Charlemagne. Il y a Amadis de Gaulle aussi. Amadis de Gaulle, là on parlera un peu de comment ils sont représentés dans la version de l'opéra de Lausanne, mais c'est clair que l'inspiration principale c'est pas vraiment la chevalerie arthurienne. La chevalerie arthurienne, c'est un cadre très vague, c'est Merlin, il y a Merlin, il y a Lancelot, c'est les personnages peut-être les plus connus à l'époque, les personnages arthuriens les plus connus au 19e siècle, parce qu'il faut pas oublier qu'au 19e siècle la matière de Bretagne n'est pas aussi connue, il y a pas encore eu d'état d'édition de reprise des légendes arthuriennes, c'est pas extrêmement célèbre encore. Par contre, ce qui est très connu, c'est la littérature épique et surtout la littérature épique italienne. Et en fait, les influences principales, comme d'ailleurs d'autres opéras qui sont très connus, c'est les Roland Orlando Innamorato de Boiardo, donc ça date de la fin du 15e siècle, le Orlando Furioso de l'Arioste, donc ça c'est le début du 16e siècle, et l'œuvre peut-être la plus connue de la littérature épicarturienne, qui est moins présente là-dedans, mais qui est très très présente dans l'opéra italien du 17e ou 18e siècle essentiellement, c'est la Jérusalem délivrée du Tasse, qui est l'autre grande œuvre. Donc si vous voyez tous ces opéras italiens produits entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, vous avez des Roland, des Bradamante, des Armides, des Tancrède, des Clorinde. Tous ces opéras-là, en fait, viennent de à peu près ces trois grands poèmes épiques et tirent leur origine. Typiquement, bah voilà, Rodomonte est le père, effectivement, hein, le chef de l'armée sarrasine dans l'Orlando Innamorato ou dans l'Orlando Furioso. Il y a Angélique et Medoro, donc en italien, on vous en a déjà parlé. Mélusine n'apparaît pas, c'est peut-être la seule intruse dans ce casque qui vient pas de la matière de Bretagne ou de la matière, disons, de France. Ouais. Même si elle apparaît, elle fait techniquement partie de la manière de France, mais c'est plutôt c'est ce mythe particulier de Lusignan, effectivement. Non, vous avez là, il y a vraiment un côté où la table ronde, c'est vraiment le prétexte pour assembler des chevaliers qui finalement viennent de milieux relativement différents. C'est-à-dire que même s'ils font tous partie, la plupart de la geste de Charlemagne, ils sont pas toujours mélangés ensemble. Genre Gilles Danois et Pyrénées de Montauban, vous allez pas forcément les voir. Et Amadis de Gaulle est aussi un peu. Amadis de Gaulle est à part, mais c'est tous des romans qui ont eu un succès, comme tu l'as dit, assez tardif. Donc vous avez ces textes italiens, mais Amadis de Gaulle, c'est aussi quelque chose qui a eu du succès. En Espagne. Mais en fait, c'est pour ça que ça peut paraître bizarre de voir ces figures qui sont aujourd'hui pour nous un peu oubliées. Mais en fait, c'est les figures épiques, para-arthuriennes et épiques, qui ont le mieux survécu au Moyen-Âge parce qu'elles ont été en fait reprises. Elles ont soit été écrites, soit été reprises à l'époque de l'imprimé. Et donc, elles ont connu une diffusion assez longue. Le seul qui a un peu survécu, c'est du côté d'Arthur, c'est vraiment la version anglaise d'Arthur, parce qu'en Angleterre, il y a eu Malory qui a été très vite imprimé, mais même là, il n'a pas connu une longévité aussi longue que les figures issues des œuvres du Tasse, de l'Arioste, de Boiardo, parce qu'il n'a pas connu cette diffusion aussi forte. Bah, typiquement, on avait dit qu'un des premiers, le premier opéra de Hervé, c'était sur Don Quichotte. Don Quichotte, il lit notamment, je crois, Amadis de Gaulle. C'est le genre de choses que Don Quichotte lit dans la version originale. Donc, quelqu'un qui est. Don Quichotte, ce personnage qui a la tête pleine d'histoires de chevalerie, justement, puis de cet idéal chevaleresque, il le tient de ce genre de livre-là, en fait. Plus que de arthurienne, à proprement parler. Chrétien de Troyes et compagnie, bon, c'est un peu tombé en désuet. Et c'est pas un hasard si un des premiers vraiment à exploiter la matière de Bretagne de façon plutôt sérieuse, c'est Wagner. Parce que, au contraire des textes français qui ont été édités relativement tard, fin du XXe siècle, un peu en réaction à la Renaissance arthurienne anglaise aussi, j'ai l'impression. Malory, lui, reprend la matière de Bretagne un peu de ses prédécesseurs, et il est lui-même repris au XIXe siècle par Tennyson. Et un peu après, en réaction à ça, on a les grandes œuvres, que ce soit en Angleterre ou en France, on réédite les manuscrits de la British Library, de la BNF, et là, on commence à faire des versions un peu plus larges, on commence à s'intéresser à Chrétien, on s'intéresse plus à Tristan aussi. Alors que chez les Allemands, la première édition de Parsifal, c'est qu'en 1832, dans les années 1830. Paradoxalement, le fait qu'il y ait... Parce que Parsifal, on l'a dit, c'était un succès monstrueux, puis il y avait tellement de manuscrits que c'était une œuvre qui était juste incontournable pour la littérature médiévale allemande, alors que... Paradoxalement, comme la littérature médiévale française, c'est beaucoup plus, vous avez beaucoup plus de quoi piocher dedans. Les trucs arthuriens n'ont pas toujours été vus d'un œil très favorable. Et même si on commence à les éditer au 19e siècle aussi, c'est peut-être un peu après, effectivement. Donc ça explique un peu ce statut, ce mélange un peu bizarre, qui nous paraît très bizarre aujourd'hui, mais qui fait sens en fait à l'époque, surtout dans un contexte parodique. Mais le cheval de la table ronde, effectivement, c'est plus une notion qui peut se fixer justement sur une matière largement tirée de récits qui ne sont pas eux-mêmes arthuriens, en fait, en l'occurrence. Bon, il y a aussi un petit côté cocorico, c'est-à-dire que Mélusine remplit la fonction qu'une Ninian ou une Nimue ou une Morgane comme enchanteresse antagoniste pourrait remplir, qui kidnappe des chevaliers pour les maintenir dans sa prison. Sauf que on la cocorico un petit peu, on la francise un peu, puis du coup ça devient Mélusine. Puis le fait d'avoir des héros qui sont beaucoup plus rattachés à la France, c'est peut-être aussi ce côté-là quand on commence à éditer les chansons de Jess. Oui, effectivement, il y a un lien beaucoup plus. Ça a côté un peu nationaliste de voir des héros comme Amadis ou Renaud. C'est pas des noms très. C'est effectivement pas des noms qu'on s'attend à voir dans la matière de Bretagne habituellement. Peut-être aussi à préciser vraiment ce côté justement le fait de s'inspirer plus de ces légendes, ça se traduit aussi par une espèce de gloubi-boulga médiéval. En tout cas dans la version française, donc la version originale, typiquement les chevaliers jurent par Saint Dunstan. Saint Dunstan, c'est un saint anglo-saxon, enfin un saint anglais du 10e siècle. C'est un archevêque de Canterbury, c'est un saint assez connu avant, qui était un peu la star des saints anglais, à part avec, disons, Cuthbert, qui était l'autre grand saint anglais pour le nord, lui c'était le saint au sud, avant Thomas Becket. Et Saint Dunstan, au 19e siècle, quelqu'un qui fait jurer des chevaliers par Saint Dunstan, je mets ma main à couper que c'est quelqu'un qui a lu Ivanhoé, dans lequel les Saxons d'Ivanhoé jurent tout le temps par Saint Dunstan, parce que non, c'est le saint saxon du 10e, 11e siècle par excellence. À mon avis, c'est purement quelqu'un qui a dit tiens, les chevaliers chez Walter Scott jurent par Saint Dunstan, donc mes chevaliers vont jurer par Saint Dunstan. C'est un fait. Il n'y a pas beaucoup de sens autrement que ces chevaliers français jurent par ce saint anglo-saxon. Ça se traduit aussi par un calque de mort, disons, médiévalisante, qu'on tire pas seulement de la matière de Bretagne, et pas seulement de la matière de France, mais aussi de la littérature de l'époque. On va parler peut-être un peu de la production, parce que si vous pensiez échapper au récapitulatif des manuscrits parce que c'est quelque chose du 19e siècle, eh bien, détrompez-vous, parce qu'il y a plusieurs versions. Il est écrit et produit, tu l'as dit, pour la première fois en 1866. Vous pouvez trouver des paroles et musiques des chansons de 1867. Généralement, c'est ça un peu le problème, c'est qu'on a, là en l'occurrence, on a un carnet, on va en parler, il y a un travail de restauration à faire, parce que là, on a un carnet, on a la partition de l'opéra, qui est généralement plus lourde à lire et plus difficile à... plus volumineuse, on va dire. Et puis souvent, ce qu'on a à la place, c'est des versions pour chant et piano. Donc des versions, on va vous mettre la partition un peu streamlinée, vraiment le fichier MIDI de la mélodie. En fait, vous avez un peu les os de la mélodie pour le piano, qui sont plus faciles à jouer, à reproduire. Et puis c'est plus facile quand vous voyez ça, de dire, ah voilà, de voir ce que vous avez sous les yeux. C'est ce qu'on a pour 1867 sur Gallica, si vous voulez le voir. Il y a aussi un catalogue des morceaux incomplets de la même année. Et ça a été révisé en 1872, toujours sur Gallica, vous avez quelques chansons. Mais donc là, j'ai pas trouvé le livret original, j'ai juste vous avez les chansons, donc ça vous donne déjà beaucoup de l'intrigue, mais vous allez pas forcément voir ce qu'il y a entre deux, les dialogues, et ça, c'est un peu... Il y a un travail de révision à faire. Et en l'occurrence, ceux qui l'ont fait, c'est le Palazzetto Bruzzane, qui sont en fait un centre... qui se concentre sur la question de la musique romantique française et qui s'occupe surtout du long 19e siècle français. Une définition large de musique romantique parce qu'il commence en 1780 et il finit en 1920. Donc c'est vraiment la musique effectivement le long 19e. Effectivement, mais il y a la musique à partir de l'époque de la Révolution, la fin du 18e siècle et jusqu'à la... On peut voir une certaine continuité, donc c'est pas un choix absurde. Ils sont basés à Venise, en fait. Ouais. L'œuvre, on va vous parler, il y a une version qui a été filmée au théâtre de la Fenice à Venise qui est disponible en ligne. Et ils ont produit effectivement en 2015 avec la compagnie Les Brigands. Donc la compagnie Les Brigands, c'est une compagnie d'opérette, d'opéra comique, d'opéra bouffe française qui fait des productions, parfois d'ouvrages un peu oubliés. Ils avaient fait une production notamment de Moi c'est toi ou Toi c'est moi, je ne sais plus comment ça s'appelle, un opéra, une comédie musicale des années 30. Ils font des trucs, ils tirent leur nom d'une comédie musicale un peu, disons, moins connue d'Offenbach, qui s'appelle aussi Les Brigands. Et là, en l'occurrence, ils ont fait cette version de Les Chevaliers de la Table Ronde, en coproduction avec plein de théâtres français. Elle a beaucoup tourné entre 2015 et 2017, et elle a été filmée à la Fenice pour être ensuite diffusée sur France Télévisions. Elle a été diffusée sur France 2, et vous pouvez encore la voir en ligne, parce que grâce à la plateforme Culture Box de France Télévisions, eh ben, il y a une version qui est disponible sur Dailymotion. Ouais, je pense qu'ils ont oublié qu'elle existait, mais elle est toujours là. Alors si vous supportez de regarder ça par tranche de 5 minutes avec des pubs de 4 minutes entre les tranches... Si, je précise, si vous utilisez un adblocker... Oui, ça va un petit peu mieux. Ça va couper les pubs. Mais sur votre téléphone, infernal. Par exemple, n'essayez pas, parce qu'il y a deux pubs de 20 secondes toutes les 5 minutes. C'est assez infernal. Mais en l'occurrence, c'est une version complète. Vous en trouvez livré en ligne, en fait, dans le programme il y a plusieurs programmes qui sont disponibles en ligne. Il y a la version avec l'italien et l'anglais aussi. La version française est disponible. On vous mettra un lien vers le PDF sur la page de l'épisode. Comme ça, vous avez tout le texte qu'ils ont joué à l'occasion là. Alors ça, c'est une version un peu restaurée parce qu'elle combine une partie des additions de 1872 avec la structure originale de 66, parce que visiblement il y a des altérations qui ont été faites en 72 qui rendent l'action un peu moins intéressante, surtout dans le dernier acte. Donc du coup, c'est une version un peu le meilleur des deux mondes, si on veut. Il coupe aussi certains airs qui sont de liaison, qui sont un peu plan-plan. Je crois que ça a un peu passé à la trappe. Ouais. Je vais peut-être citer, il y a une conférence de 1h30 de Jean-Louis Fabre sur l'opéra de Hervé. Il a un peu le même défaut que nous, c'est-à-dire qu'il fait je vais passer très vite là-dessus, puis il passe pas très vite, et il languit là-dessus, puis à la fin, il doit courir sur la fin de sa conférence, et finalement, il nous dit pas du tout ce qu'il voulait nous dire, parce qu'il est resté un peu en surplace avant. Mais c'est une conférence qui peut être aussi intéressante sur le contexte d'écriture, et il parle notamment du Palazzetto Bruzzane, et il dit que c'est une institution qui s'est donnée pour but de revaloriser cette période de la musique française, et que leur travail consiste en des concerts, des enregistrements, travail d'archivage aussi. Ils organisent des colloques, et point non négligeable, ils participent à des réalisations de partitions, car il y a des partitions très incomplètes, lacunaires, et nous en avons un exemple justement avec les Chevaliers de la Table Ronde. Et donc, comme il le dit lui-même, j'ai eu en main la version chant et piano, et puis le livret de 1866, et quel ne fut pas mon désarroi quand j'ai vu que les deux textes ne coïncidaient pas, donc la version de 1872 est un peu différente de celle de 1866. On va avoir un peu de la peine à jouer à la version des 7 différences, donc vous pouvez trouver le livret du Palat 7 tôt, mais il faut garder en tête que probablement ça a été un peu altéré, et certaines choses, je soupçonne aussi, dans l'intrigue, ont pu être un peu mises à jour. Il faut préciser aussi que la version qu'on a vue, nous, semble, à mon avis, est assez basée sur la version, justement, des brigands de Non, c'est complètement basé, mais ils ont rajouté beaucoup de blagues, et il y a beaucoup de rajouts. J'ai l'impression qu'ils ont utilisé le même livret, en tout mais cas. Mais ils ont utilisé le même livret, ils sont partis du même livret, mais il y a beaucoup de... Ils ont utilisé même le même résumé dans leur programme, d'ailleurs. Ils ont d'ailleurs... Voilà, ça, c'est peut-être pas très... Faites attention à ça, je sais pas si c'est... Je pense qu'ils ont dû demander, ouais, ont dû demander à mon avis, parce que pour avoir les partitions et tout, à mon avis, ils sont basés sur le travail de... S'ils utilisent les partitions et le livret, c'est vrai qu'ils ont, le droit, mais... Ils ont beaucoup... La version de Zanas qu'on a vu a beaucoup updaté. Ça s'inscrit dans une renaissance d'Hervé, hein. Faut pas se mentir. Hervé a... qui s'appelle à la base, pas Hervé d'ailleurs, hein. On en parle depuis une demi-heure sous son nom. Il s'appelle Florimond Roger à la base, je crois. Ouais, si Ronger. Hervé, donc, a connu une renaissance ces, disons, 5 dernières années. Des productions de Mamselle Nitouche qui ont tourné entre Lausanne et la France. Justement, cette production des Chevaliers de la Table Ronde. J'espère qu'on va avoir une production de Chilpéric parce que je veux vraiment voir son opéra mérovingien. Son opérette mérovingienne, ça a l'air très très drôle. Donc, il y a eu une certaine, il y a eu un certain regain d'intérêt après qu'il ait longtemps été dans l'ombre d'Offenbach, justement. Et cette pièce, justement, s'inscrit là-dedans. L'Opéra de Lausanne la joue dans le cadre de sa route lyrique. Alors, la route lyrique, c'est ce qu'ils font chaque année. Ils font une tournée, en fait, en Suisse romande et parfois en France voisine. Je crois pas que c'est le cas ici, mais ils font une tournée dans les théâtres suisses romands, un peu partout. Ils font parfois deux, trois dates pour certaines des plus grosses villes, sinon une seule date. Ils jouent avec une petite compagnie, un plus petit orchestre que d'habitude. C'est moins cher en général. Vous pouvez avoir des billets pour une trentaine de francs, quel que soit votre siège, alors que sur l'opéra, même à Lausanne, ça reste un peu plus cher que ça. Et en l'occurrence, à Lausanne, ils ont fait deux jours porte ouverte, en fait, où on pouvait... Gratuit, où vous arriviez une heure à l'avance, puis on vous faisait rentrer dans le théâtre un peu librement. Donc c'était assez sympathique, c'est l'occasion au cours de laquelle on l'a vu. Il joue encore ce début du mois de juillet quelques dates, on vous mettra le détail en ligne. Jusqu'à la mi-juillet, si vous êtes en Suisse romande, vous pouvez peut-être les attraper s'il y a encore de la place. Oui, et franchement, c'est une version intéressante parce que, contrairement à la version donc, de 2015, la version française qui était une version très stylisée, avec des costumes à mi-chemin entre des sportifs du 21e siècle et des. Entre des arbitres de hockey et puis des mimes un peu. Voilà, il y a un côté noir et blanc un peu hybride 19e, 21e siècle, un Roland qui parlait avec un accent très wesh. C'est absolument terrible. D'ailleurs, j'ai un commentaire à faire sur la version, parce que la version de l'Opéra de Lausanne, vous n'allez pas forcément réussir à l'attraper, mais vous pouvez regarder la version sur Dailymotion, donc je voulais peut-être... Dire deux mots peut-être pour commencer. Je vais commencer par parler de celle-ci, parce qu'elle est clairement à la base de celle qu'on a vue. Ils utilisent le même livret, et probablement qu'ils sont inspirés de certaines décisions. Ils en ont changé certaines, heureusement, je trouve. L'esthétique est rayée noir et blanc, donc tout le monde est rayé noir et blanc, la scène est rayée noir et blanc, les gens ont des habits un peu très années 20, donc des costards pour les hommes, des robes à freluches pour fracs, les femmes. Mais à part les chevaliers qui sont habillés genre en footballeur. Les chevaliers ont des espèces de maillots, et puis ça écrit 1664 d'ailleurs, ils ont un numéro dessus, puis c'est que 1664 parce que c'est de la bière, et puis Roland a juste un zéro, parce que c'est je sais pas, c'est des blagues assez potaches et stupides, mais c'est un peu l'esprit. Ils parlent un peu comme des racailles. Roland parle comme une mauvaise imitation de ouvrez les guillemets mec de banlieue des années 90, genre on dirait du mauvais stand-up, c'est incroyable, mais même pas complètement, c'est pas bien, c'est mal, c'est pas très intéressant. Non, c'est assez curieux comme ils ont le même problème. L'Opéra de Lausanne a aussi un problème avec les accents, où je sais pas pourquoi ils se sont dit vous savez ce qui est drôle, les accents. Et puis le truc c'est que tu peux pas le tenir parce que tu vas chanter et tu peux pas chanter avec un accent. Donc par exemple Mélusine a une espèce d'accent italien pour aucune raison dans la version française de 2015. Médor aussi, non Médor ils l'ont pas fait dans 2015, mais dans l'Opéra de Lausanne ils ont essayé de lui faire un accent un peu, mais il prend un accent dans la version de Lausanne quand il est sous couverture de prof, et le reste du temps il a pas d'accent. Ouais, donc c'est un peu curieux quand même. C'est un peu bizarre, ils ont un peu cette espèce d'accent alternatif les deux, problème partagé. C'est pas terrible en tout cas. L'emplacement de certaines chansons a pu changer un peu. Je crois qu'il y a une chanson de Mélusine qui devait se passer pendant le festin. Elle a été déplacée avant dans une scène un peu devant le rideau, donc un peu interlude, un peu hors du temps, où il y a Roland qui est là et puis elle chante, alors qu'on ne sait pas trop si cette scène se passe ou pas. C'est pas trop grave, hein. Mais par contre, le vrai commentaire que j'aurais à faire, au-delà de la mise en scène, et puis tout le monde est grimé, hein, ils ont tous du maquillage blanc et puis du mascara et puis les lèvres rouges, donc c'est très une esthétique de mime. C'est que c'est une version qui est mille fois plus excitée sexuellement que celle de Lausanne. Là où Lausanne c'est accessible dès 10 ans, donc ils sont peut-être un peu calmés. C'est une version familiale avec Lausanne. Lausanne c'est une version familiale. Là par contre ils ont été à fond du côté opérette, luxurieux et un peu honnêtement un peu dégueulasse. Dès le début c'est la totale. On voit deux mecs qui ont des juste au corps rayés blanc et noir qui couvrent leurs bras et leurs jambes, sauf leur torse épilé parce qu'ils ont un beau décolleté. Ils ont des talons aiguilles d'ailleurs. Donc bon, ça c'est vrai que c'est plutôt sexy. Puis il y en a un des deux plus tard chez Mélusine qui portera une robe bustier. Bon ça c'est un peu voilà l'opéra, on aime bien faire un peu du drag ou pseudo-drag. L'opéra de Lausanne a aussi ça, d'ailleurs. Il y a un personnage qui est le personnage de la servante, qui sert pas à grand-chose, qui a 2-3 répliques, mais qui est toujours en arrière-plan, habillé en soubrette, et en train de passer le plumeau et de se cambrer dans tous les sens. Il y a d'ailleurs un panty shot, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on fait une photo, puis elle vient, elle se penche pour bien montrer sa culotte au public. Et d'ailleurs, ils connaissent bien leur public, parce qu'on voit un flash dans le public où quelqu'un a profité pour prendre une photo. Je suis assez choqué, je sais qu'Antoine a plus d'expérience que moi avec l'opéra, mais des panty shots, des shots de... C'est pas le pire que j'ai vu à l'opéra, disons, mais ça se pose quand même là. Ça se pose quand même là, c'est quelque chose qu'on devrait plutôt trouver dans les basses fosses de l'Old Japon plutôt que à l'opéra, mais voilà, avec des opérettes, c'est possible. Il y a, disons, des gens qui passent leur temps à se frotter les uns contre les autres. Mélusine a ses grandes cuissardes, elle se frotte sensuellement en chantant avec son corset. Il y a une scène assez phallique, justement, où elle frotte l'épée de Roland avec sa main. Bon, voilà, pourquoi pas. Plus de nudité masculine, d'ailleurs. Quand Roland sort de sa prison, il est en slip avec un peignoir, donc il est très... On voit un peu son... Bon, il est pas très musculeux ou quoi, mais on voit plus de... Là où tout le monde est habillé à Lausanne, pas vraiment. Et quand, dans le palais de Mélusine, les chevaliers sont ligotés, ils sont tous en caleçon. Bon, ils ont pas vraiment le physique qui va avec, mais ça colle bien avec le côté opérette, je trouve. Puis quand ils sont là-bas, bah, ils miment le coït avec la soubrette, et puis des cunilingus avec... Elle fait des cunilingus, enfin, c'est un peu, voilà, à fond. Parfois, c'est joué de façon comique. Donc, Sacripant et Totoche, quand ils s'embrassent comme des Looney Tunes, donc les bras à la renverse, et puis ils jouent dans tous les sens, c'est plutôt marrant. Ou bien, ils gesticulent avec les lèvres, et puis c'est un peu. Ça, c'est plutôt rigolo. De la même manière, quand ils annoncent le tournoi, la soubrette brandit un panneau tournoi de chevalerie hétérosexuelle, qui est plutôt. Je sais pas, ils auraient pu pousser un peu plus loin le sous-texte que les chevaliers, en fait, ils étaient plutôt. Parce que un des trucs qui ressort, c'est que Roland est un peu un belâtre, qui est un peu amoureux de lui-même. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont énormément joué dans l'opéra de Lausanne, où finalement, il est pas si intéressé que ça par Angélique, finalement. Là, ils l'ont un peu moins joué, mais ils auraient pu aller de ce côté-là. Et puis parfois, je trouve ça plus glauque, typiquement dans leur traitement d'Angélique. C'est-à-dire, c'est le personnage de la jeune vierge qui ne connaît pas les choses de l'amour et qui est très naïve dans le texte, en tout cas, qui parle de manière assez enfantine et capricieuse, en tout cas. Donc, elle va dire papa, maman, elle va faire des caprices, etc. Et je trouve que Lausanne, la production qu'on a vue, s'en sort pas trop mal. Par contre, la version du Palazzetto Bruzzane avec les brigands, à la fois infantilise et sexualise à mort Angélique, ce qui donne une vibe assez pédophile et glauque. En même temps, il joue beaucoup sur le comique du fait que l'actrice, la cantatrice, actrice qui joue le rôle d'Angélique, est, disons, pas exactement le profil de la jeune ingénue. Elle est, disons, littéralement, c'est la... on montre un portrait au début un peu idéalisé, puis après on révèle, puis c'est un grand rire parce que elle a pas le physique de l'emploi. Elle est trop grosse pour être la jeune fille. Elle est grosse, puis elle a des couettes, et puis elle a des vêtements un peu. Ouais, puis elle est plus âgée que ce qu'on. C'est ça aussi. Elle est plus âgée. Alors qu'à Lausanne, c'est comme tous des relativement jeunes chanteurs. Du coup, il y a une espèce de côté un peu plus naturel là-dedans qui fait moins glauque inévitablement. Donc Lausanne, il la joue plus comme une adolescente un peu moderne. D'ailleurs, il y a une réplique de Rodomont qui dit « Ah, ma fille a 18 ans, mais personne ne me la demande en mariage alors qu'elle est blonde. » Et je me demande, c'est pas une mise à jour. Ils ont dit « Bon, on va faire qu'elle a techniquement 18 ans quand même, parce que ça m'étonnerait pas que dans le livret original, elle était peut-être plus jeune, ou que son âge n'était pas précisé. » Puis le pire, c'est un sketch, une espèce d'interlude devant le rideau après le mariage, où donc il y a Médor qui est déguisé en Roland, qui est dans son armure, et puis qui va mimer le coït avec Angélique dans sa robe, et puis elle fait des espèces de petits gémissements et le bruit de klaxon, puis elle continue à sucer son pouce et tout, donc il change de position. C'est vraiment bizarre, justement, le côté, elle va continuer à sucer son pouce, genre se comporter comme une enfant de ce côté-là. Puis on a, ouais, elle a techniquement 18 ans. Ça, et puis elle continue de minauder et tout. Puis l'autre blague, c'est que le chevalier est très rapide, donc c'est très original. C'est pas si drôle que ça, et c'est plutôt glauque, et honnêtement, c'est un des trucs que je me suis dit, ouais, c'est pas terrible. Donc ça, c'est une version que vous pouvez voir, mais honnêtement, moi, ça m'a un peu dérangé, parce que c'est un peu le risque quand vous allez voir des opérettes, parce que c'est toujours du côté de ce côté-là que ça peut pencher. Musicalement, j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant, parce qu'ils ont un assez grand orchestre, les chanteurs sont pas mauvais. Après, c'est vrai que la prise de son est pas non plus extrêmement bonne, j'étais un peu surpris d'ailleurs, je pensais que la prise de son serait meilleure. On n'entend pas forcément toujours très bien, notamment dans les chœurs, c'est un peu brouillon. Après, c'est la seule version que vous pouvez vraiment voir facilement en ligne. Donc, je ne vais pas vous dissuader pour autant d'aller la voir, parce que si vous voulez vous donner une idée de ce à quoi l'histoire ressemble, si vous voulez écouter un peu les airs, c'est sans doute la meilleure façon. On va peut-être vous en passer un petit extrait de cette version de 2015, du coup. On vous retrouve juste après ça pour parler de la version de l'opéra de Lausanne. Par chemin, nous battons la campagne. En France, on nous voit le matin et le soir en Espagne. Monsieur du grand plan d'agrément, tournant plus d'aventure, c'est qu'on gagne la puissance. Ce sont les anges du chantez que joli métier, de fuir dans le monde, que celui de chevalier de la table ronde. Chantez que joli métier, de fuir dans le monde, que celui de chevalier. mots sur nos écus le chiffre de ces dames. Nous consommons un nombre affreux de blondes et de rudes. Si vous avez vu des prunes, ce n'est pas pour des prunes. Jamais plus joli métier ne fut dans le monde que celui de chevalier de la table ronde. Jamais. C'était la ronde des chevaliers de la table ronde dans la version du Palazzetto Bruzzane de 2015, qui malheureusement l'Opéra de Lausanne, la version n'a pas encore été enregistrée et diffusée sur CD, on espère qu'elle le sera peut-être. Et on va maintenant vous parler de la production de l'Opéra de Lausanne qu'on a vue, que vous n'aurez peut-être pas la chance de voir, mais je trouve qu'elle avait quand même, qu'elle était quand même un peu mieux que celle du Palazzetto, bah, plein d'égards. Bah, disons, c'est une version plus familiale déjà, c'est évident, ça tourne dans toute la Suisse romande. C'est clairement une version qui est faite pour un plus petit théâtre, là en l'occurrence c'était sur la grande scène de l'Opéra de Lausanne, mais tout le jeu était autour, dans et autour d'une espèce de modèle réduit de château qui s'ouvrait, dans lequel il y avait un rideau qui s'ouvrait. Et... Avec un petit chevalier qui tournait au-dessus du château mécaniquement comme l'horloge de la Palue. Oui, il y avait ce côté un peu comme ça, modèle réduit, ça faisait très un peu Sacré Graal aussi, ça me fait penser à ça. Mais donc tout est joué sur une scène beaucoup plus comprimée, dans un côté vraiment très petit qui est clairement fait pour être emporté avec le moins de problèmes possible en tournée. Ça apporte un certain charme, je trouve qu'il y a le côté vraiment modèle réduit qui marche assez bien. Ils ont une esthétique qui est beaucoup plus, alors que l'esthétique justement de la version des Brigands et du Palazzetto Bruzzane était très avant-garde, 19e, mi-chemin entre 19e et moderne, un peu expressionnisme allemand revisité. Là, on est dans une version qui est beaucoup plus médiévalisante, mais pour de rire. Ça m'a fait penser peut-être, je sais pas, à une version Gottlieb, de l'esthétique assez Gottlieb avec la TV. Ils ont une TV, la scène au début, par exemple, le premier air de l'opéra, c'est, alors là, en l'occurrence, ils ont mis l'air de Merlin. Qui se présente au début de l'opéra, mais dans la version du Palazzo Bruzzane, le premier air, c'est l'air de Mélusine qui va vendre ses potions, qui n'a pas grand rapport avec l'histoire. Et là, au lieu d'avoir Mélusine qui arrive sur scène, en fait, les personnages des chevaliers regardent à la TV et voient Mélusine présenter dans une espèce de téléachat ses produits. C'est un côté un peu rigolo parce que d'un côté, ça, c'est beaucoup plus moderne par certains aspects, et d'un autre, c'est beaucoup plus médiévalisant parce que du coup, bah, ils ont une TV médiévale, le trône, qui sert aussi d'ailleurs de trône quand elle se retourne à Rodomont. Ils ont vraiment des décors un peu plus dans l'esprit médiéval. Ils ont des costumes aussi de chevaliers un peu ridicule, mais qui sont aussi dans cet esprit-là. Ogier le Danois est habillé comme un viking. Amadis de Gaulle a un bouclier, un gambison. Alors, il a un gambison bleu, blanc, rouge. Et puis, sur son bouclier, il y a la tour Eiffel et le coq et la croix de Lorraine. Pour donc, il est ultra tricolore, ultra... Sa francité off voilà. De roof. Il y a Renaud de Montauban. Il a ses quatre frères sur... Alors, il est joué par une espèce de hobby horse, donc de personnage qui est... à la fois habillé en cheval et en chevalier, donc il a le cheval, mais au lieu d'avoir le cheval devant, normalement, comme on s'attendrait pour un hobby, il est derrière. Il a le cheval derrière avec ses frères dessus, donc c'est un peu, si vous connaissez pas l'histoire des quatre fils à Aimon, ça doit être un peu bizarre de pourquoi il a ça dans le dos, mais j'ai trouvé que c'était assez astucieux comme représentation, en fait. Si vous connaissez vaguement le personnage, généralement, ils sont représentés comme ça, ils ont un cheval magique qui s'appelle Bayard, et ils sont les quatre à la chaîne sur le dos, parce que c'est un gros cheval, et puis donc c'est comme ça qu'on le représenterait, quoi. Il a aussi un accent du sud. Oui, il le joue avec parce qu'il vient de Montauban. Il a l'accent du sud-ouest. Lancelot, j'ai ragé sur Lancelot. Très, très divisif. Là, ils ont fait Lancelot comme une espèce d'homme très british, anglais. C'est joli thorax, en fait. C'est joli thorax. c'est British Asterix. Donc, il a son pourpoint en tweed, son casque fait en forme de chapeau melon, il a le monocle et puis une moustache lustrée. Et puis, il a du thé avec lui. Il a une tasse de thé sur le poignet. Son emblème a aussi du thé sur son blason qu'on voit un petit peu moins. Et il parle avec un accent anglais. Je crois que c'est inspiré du script parce qu'il y a un moment où il dit que Roland est un gentleman, où il dit le mot gentleman, et je crois qu'ils se sont dit écoute, on va traire ça jusqu'au bout. Et c'est pas, en fait, Antoine n'a pas aimé parce que Lancelot, c'est typiquement le Frenchie, c'est le français, il vient du nord de la Gaule, et du coup, généralement, les versions anglaises et même dans les versions françaises, par essence, le gaulois, le français. Et du coup, bah, c'est moi, il parle français. Et dans les versions anglaises, en tout cas du XXe siècle. C'est vrai que logiquement, pour marquer son étrangeté par rapport aux autres chevaliers chevalier pour montrer que lui, c'est un chevalier de la table ronde de Bretagne, etc. Le fait de le montrer comme british pour renverser ça, pour moi, c'est pas une mauvaise idée, forcément. De dire, ah bah, comment est-ce qu'on va... Les Anglais montrent Lancelot comme français, donc nous, pour... par rapport à ces héros qui sont encore plus français, qui sont vraiment très très français, justement, bah... Je me suis demandé comment il l'aurait montré, parce qu'en même temps, Lancelot n'est pas non plus, les chevaliers arthuriens sont même pas non plus anglais, ils sont bretons à la base, ils sont celtes. Mais du coup, je me suis demandé comment tu représentes un celte pour. Je me suis dit bon, peut-être qu'il l'aurait représenté en écossais, genre, peut-être un peu moins ragé, éventuellement. Bon, ça c'est en, très. En gallois. C'est très un raisonnement Astérix quoi, comment ils l'ont représenté bah, c'est là. C'est ça. En fait, l'esthétique est très Astérix en fait, par beaucoup d'aspects. Ils ont un peu le côté. Un peu carton-pâte qui tout en faisant écho à des trucs modernes, typiquement Rodomont a une espèce de sablier au poignet pour servir de montre, non ouais. Pas Rodomont, Sacripant a une espèce de sablier au poignet, ça c'est très Astérix, c'est genre le cadran solaire au poignet qui m'a fait beaucoup penser à ça. Mais ils sont beaucoup plus fun leur déguisement, alors que là c'est au Boudonnais, c'est ok, tout le monde est en mime, les chevaliers sont indistinguables, là les chevaliers sont en genre en basketteur, footballeur, et ils sont tu peux pas les différencier les uns des autres, parce que là ils ont tous vraiment une personnalité dans leur costume, enfin ils arrivent après c'est vrai que dans la partition les chevaliers n'ont pas une énorme personnalité, ils ont pas un grand rôle, mais Roland c'est celui qui a un peu le plus de rôle, même Lancelot joue pas grand chose. Bah, Roland pour le coup il est assez rigolo parce que lui il est joué comme un dandy français 19e-20e siècle, il a un accent avant-guerre, il a ce côté un peu de protagoniste de théâtre français du 19e siècle qui marche très très bien en fait. Il arrête pas de se recoiffer avec une petite coiffure gominée en arrière, il se regarde dans le reflet de son armure ou dans des reflets d'eau comme l'accent du titi parisien un peu comme ça qui marchait très très bien j'ai trouvé. Il a une cape avec écrit j'aime mon corps, mes corps, le corps parce que c'est Roland du corps logiquement. Oui. Ça marche assez bien. Il est habillé au début, il habillé dans un peignoir de soie, c'est très. Bah ça c'est un peu la. Voilà, il est en train de se. Il a été emprisonné par Mélusine, puis du coup il est en train de vivre une existence de pacha. Il a un peu un côté OSS 117 aussi par moment. Alors c'est assez marrant parce que. À un moment il a une ligne j'aime me battre. Il fait j'aime me battre dans ce qu'ils ont rajouté comme gag, on va peut-être en parler dans un instant. Il a un petit côté OSS 117, mais c'est assez marrant parce que Médor a une vibe encore plus Jean Dujardin. C'est Jean Mianet je crois qui joue Médor, qui a une scène où il est vraiment déguisé. Il est déguisé exactement comme Jean Dujardin quand il se déguise en Rambo des Bois, et il a exactement la même tête. Et donc, il est encore plus Jean Dujardin-esque que leur Roland. Oui, l'autre différence aussi, c'est que le rôle de Fleur des Neiges, je crois qu'elle s'appelle. La servante d'Angélique, qui n'a pas un énorme rôle, là, est jouée justement par un chanteur en drague, donc littéralement. Pour le coup, contrairement. Qui se dédrague après. Il a un rôle, justement, il joue le servant. Homme de Mélusine justement, donc il y a un côté drôle là-dedans. Sinon, ouais, effectivement, la scène est très un peu cette hybride à la Astérix de trucs modernes et de trucs anciens, donc ça marche. Il y a certaines scènes qui marchent très bien, typiquement quand la duchesse Totoche repasse la fraise de son mari avec un petit dragon à faire passer. Il y a la télévision Mélusine, donc on en a déjà parlé. La télévision Mélusine, le fait que elle a son espèce de robe avec un grand arrière-train artificiel, puis elle planque plein de choses dedans, puis elle fouille dedans pour récupérer. Oui, il y a ce côté assez drôle là-dedans. Le costume, le duc a un costume qui, en fait, il m'a fait penser au roi dans Katamari Damacy. En fait, il a ces espèces de grandes manches, etc. Puis il y a un gag pratique extrêmement bien où il l'enlève et puis le costume tient tout seul debout, qui est très drôle et très bien. En termes de, il y a un côté Shrek aussi là-dedans. Voilà, il y a un petit côté Shrek là-dedans. Il y a 2-3 gags qui marchent beaucoup moins bien. Je trouve le burlesque, ils arrivent pas bien à jouer ça. Typiquement, le baise mon pan et tout, c'est un peu bon. C'est dans le script, mais ça colle moins avec le truc. Il faut réussir à le mettre. Là, j'ai trouvé que c'était pas très satisfaisant. J'ai trouvé beaucoup plus. Disons, ils n'étaient pas forcément autant hyper hyper, comme on dirait en anglais, la version de Battle of the Nets, mais ça se retortait plus parce qu'ils étaient vraiment dans un espace petit et confiné. Mais ça marchait bien, mais sauf que. Ça marchait assez bien. Après, ils ont rajouté plein de blagues dont ils sont fiers. D'ailleurs, il y a une interview, on vous mettra dans l'émission magnétique de la RTS avec les producteurs et puis un des producteurs qui est notamment qui joue Merlin aussi. Celui qui joue Merlin et qui est metteur en scène est celui qui joue Rodomont, qui sont interviewés. Et puis, ils sont très fiers de certaines de leurs blagues. Genre, il y a une blague où il fait on va lancer une chaîne de magasins qui s'appellera le duc Merlin, non le roi Merlin, c'est très drôle. Ils sont tellement fiers qu'ils en parlent dans l'interview, alors que je t'appelle, c'est pas une blague que j'aurais amenée parce qu'elle est pas exceptionnelle. Non, c'est ça, il y a des blagues un peu suicisation des blagues où ils sont là, on va faire des blagues sur au lieu d'avoir des noms de saints, ils ont cité par exemple Saint Dunstan, ils citent Saint Symphorin, il y a Saint Sulpice, il y a de noms d'endroits, Saint Ursanne aussi, des noms d'endroits en Suisse romande en fait. Ouais. Ça m'a paru un peu forcé. La montre, typiquement, à un moment, un des prix du tournoi, c'est une montre. Là, c'est une montre suisse. C'est évidemment une montre suisse fabriquée en Chine. Fabriquée en Chine et dans un atelier chinois. Après, il y a certaines blagues qui ont été ajoutées qui sont. Je me demande. Enfin, il y a une blague drôle, typiquement. Le premier prix du tournoi, c'est 2 candélabres en plaqué or. Ouais. Là, c'est une leçon de natation avec. Avec la dame du lac. J'allais en parler parce que justement, dans le Palazzetto, ils ont dit que c'était des candélabres. Il n'y a pas grand-chose de drôle. Là, ils ont dit c'est une leçon de natation avec la Dame du Lac. Dans la version originale, je crois que c'est de l'argenterie. Donc, basiquement, tout le monde a fait une... J'ai trouvé une caricature qui montre les trois prix, en fait. Puis, il y a de l'argenterie, une montre, et puis la main de la princesse Angélique. Donc, en 66, apparemment, c'était pas des candélabres. Mais... Disons, il y a ce côté un peu... Voilà, on va pas jouer au jeu des 7 différences. Dans les différences un peu plus structurelles, il y a, par exemple, dans l'acte 3, Mélusine a kidnappé Roland et les autres chevaliers. Et si je regarde le livret qui est sur Gallica, il y a d'abord des dames de compagnie de Mélusine qui chantent « Dévidons la soie ». Bah là, ils n'ont pas 4 dames de compagnie de Mélusine. Ils ont Mélusine et la servante qui chantent, puis après, c'est les chevaliers qui reprennent entièrement. Donc, ils ont un peu altéré les parties pour économiser un peu ils ont moins de cœur. Il n'y a pas vraiment un cœur. Même dans la version du Palazzo Bruzzane, il y a des cœurs. Il y a des choristes qui n'ont pas de rôle d'acteur principal, mais qui reprennent les chœurs et qui font du mime, qui jouent plusieurs rôles. Là, dans la version de Lausanne, c'est vraiment que les chevaliers. Il n'y a que les chevaliers et Fleur de Neige qui font rôle un peu de choriste. Mais c'est vrai que ces 4 chevaliers, ils ont un peu ce rôle de choriste finalement. Ils ont une identité visuelle distincte, disons, de la version suisse qu'on a vue. Mais ils n'ont pas non plus Par rapport à leur rôle, leur identité visuelle, elle est dingue. Elle est immédiatement reconnaissable. Bah, typiquement, j'y repensais encore. Il y a plein de petits détails comme ça. Typiquement, Amadis, jusqu'à son casque, qui est un casque de cuirassier napoléonien, par exemple. Ouais. C'est le mec le plus français de tous les temps. Hein, exactement. Donc, il y a vraiment une identité très forte qui se base beaucoup sur leur nom et sur leur mythologie, sans être vraiment exploité derrière, malheureusement. Oui, on se demandait justement en sortant. Ah, si, il y a Roland, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que le Roland, il a un masque, alors que Roland ne porte pas, mais qui est porté par Médor quand il est déguisé en Roland. Et là, ça m'a fait beaucoup penser au masque de Mordred dans Excalibur. Ouais, en fait. Est très masque doré en carton-pâte, un peu. Mais il y a un côté très. Il y a un côté. Le fait d'adapter les blagues, en fait, ça rend tout le truc inhéremment plus. Moderne, satirique, et c'est ce qu'on voit souvent dans des adaptations d'opérettes un peu moins sérieuses, disons, dans les plus petites productions. C'est peut-être pas quelque chose que vous verrez si on adapte la vie parisienne au Grand Théâtre de Genève, mais c'est quelque chose qu'on voit volontiers dans les versions un peu plus obscures. Et en Suisse romande, une compagnie qui fait souvent ça, c'est l'Avant-Scène Opéra, basée à Neuchâtel, qui a fait des productions de Monsieur Choufleury ou de La Veuve Joyeuse, comme ça. Et parfois on voit des trucs assez modernes dedans, et là en l'occurrence, typiquement, il y a des allusions. Plus modernes qui vont essayer de faire écho, disons, à la réalité plutôt que de se baser sur des blagues sur la politique ou la vie culturelle sous le Second Empire. C'est assez logique quelque part ces allusions. Il faut mentionner que justement, on se demandait en sortant qu'est-ce qu'on ferait pour re-arthurianiser un peu cette histoire, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait la jouer. Je pense que le plus proche ce serait avec Tristan et Marc finalement, pour la scène pour l'adultère, ce serait un peu ça le plus proche entre Rodomont et Sacripant d'avoir Tristan et Marc, où Tristan joue le rôle de sénéchal ou de Lige. Moi j'aurais pensé à une version avec justement Arthur et avec à la base je me suis dit tiens c'est marrant parce que Roland a un peu un rôle qui serait le rôle de Gauvin dans les versions actuelles. Joli cœur, je me dis tiens ce serait Gauvin, Roland, une fille d'Arthur ou une princesse qui a été confiée à Arthur pour le rôle d'Angélique et puis Arthur et Guenièvre et du coup le sénéchal ce serait Lancelot, mais c'était pas très satisfaisant. Puis après je me suis dit ah tiens ça pourrait être un truc à la Léodagan. Bon alors d'habitude c'est Léodagan qui viole la femme de son sénéchal, là ce serait le sénéchal qui trompe Léodagan avec sa femme et Guenièvre qui jouerait le rôle d'Angélique, mais du coup ce serait Lancelot qui jouerait Médor et Arthur qui finirait avec quelqu'un d'autre, je sais pas. Il y a la possibilité de faire des changements un petit peu qui pourraient être rigolos si on voulait réarthuriniser la chose. Bon, un des changements qu'ils ont fait pour réarthuriniser, c'est une blague qu'ils ont rajouté où on voit Mélusine dans sa piscine en tenue un peu de sirène et puis elle embrasse une grenouille, puis elle l'appelle Arthur, puis elle dit bah je l'ai trop embrassé, puis il arrive plus à se rechanger en homme. Donc ça laisse entendre que justement c'est là Arthur existe dans cette c'est là qu'Arthur a fini, alors que ça c'est pas du tout à la base, mais c'est justement une petite touche qui la place dans le Arthur Cinematic Universe. C'est vrai que tout ce second chapitre est beaucoup plus moderne de toute façon, parce qu'une fois arrivé au château de Mélusine, les chevaliers se transforment en hippies en fait. J'ai l'impression qu'ils ont tous inspiré d'un band 60s 70s différent. Typiquement Ogier devient un ZZ Top. Ouais. Je crois que Amadis ressemble à John Lennon ou à tous un personnage un peu de star des années 60-70 différents. Alors ça m'a fait très rire, c'est que justement le palais des délices, normalement c'est voilà, ils sont un peu, c'est un motif arthurien finalement assez connu, hein. Ils sont chez l'enchanteresse et puis ils arrivent pas à sortir de son charme, etc. Là justement ça devient des hippies et j'ai trouvé ça très drôle. Très Shangri-La, ils ont home à la. Ou même Renaud a une couronne de fleurs, mais même tous les petits pantins sur son dos ont une couronne de fleurs, le cheval aussi, et puis le cheval a un joint. j'ai trouvé très drôle Des signes asiatiques, disons un peu mystiques. Ouais, il y a un home derrière et puis un tas là-haut et puis le signe paix derrière. C'est honnêtement pas trop mal fait. Et puis la mise en scène avec le rideau rouge translucide et puis il y a Roland qui est couché derrière et qui gémit dans son sommeil. Ça marche assez bien. Et honnêtement, comme ouverture de troisième arc, c'est assez, ça remet vite dans le bain. Et puis niveau des costumes, ils sont assez bien. Ils sont assez donnés. Ouais, il y a un côté très. C'est un côté un peu. Ça me fait penser un peu à la notion britannique de panto aussi. C'est ce côté un peu. Ces spectacles très stylisés qui sont très. Qui sont entrés dans la culture populaire anglaise où c'est typiquement des spectacles de Noël basés sur des histoires très connues et puis c'est très basé sur le spectacle pour enfants mais qu'est-ce qui se trouve derrière moi, les enfants aidez-moi ouais. ce genre de spectacle. Il y a l'esthétique qui est un peu là-dedans qui marche assez bien je trouve. Ça se traduit aussi par des gags visuels qui ont été rajoutés, typiquement le tournoi qu'on voit pas vraiment dans la version du Palais des Anneaux. Il est hors champ, il y a juste quelqu'un qui crie on est à la troisième épreuve, quatrième épreuve. Voilà, ouais. Là on voit une version où les chevaliers se tapent les uns les autres, puis à un moment donné le tournoi se transforme en match de tennis. Ils tapent sur la tête, puis ils finissent par devenir de plus en plus comme un match, puis il y a les juges qui regardent. Les juges qui regardent à gauche à droite, c'est vraiment très bien fait. Il y a aussi un type qui passe avec une extrêmement longue lance, Renaud dans un sens, puis c'est Roland qui va le repousser dans l'autre sens. C'est plutôt honnêtement le comique marche relativement bien, mais je pense qu'il y a des blagues, genre les blagues sur Baise-Montpoint, ils auraient dû carrément les couper parce qu'elles sont pas si drôles. Certaines références, effectivement, le duc Merlin, le roi Merlin. Le roi Merlin. Est-ce que t'es tellement fier de cette blague que tu vas la rajouter? Je sais pas. Moi, ça m'a pas chamboulé. Les costumes, j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'un des motifs qui est accidentellement arthurien, c'est le fait de venir à la cour déguisé en ménestrel pour venir faire des plans machiavéliques. Médor et Mélusine viennent une fois, et j'aime beaucoup que tout le monde dans leur costume de bouffon garde le même code couleur. Donc Mélusine a vraiment le code couleur de méchante de Disney, donc noir, argenté et puis violet. Puis avec les cheveux un peu. Avec les cheveux, donc le vraiment le bouffon des ténèbres qui marche honnêtement très bien. Et puis plus tard, quand Totoche, Merlin et puis Sacripant viennent à la cour en bouffon. Mélusine déguisé en bouffon, ils gardent le même code couleur. Code couleur. Du coup, c'est. Ils ont tous le même habit de bouffon en fait, c'est exactement le même modèle chaque fois, simplement avec les couleurs différentes. Mais ça marche assez bien honnêtement, c'est plutôt pas mal. Et puis c'est assez marrant de se dire. C'est un motif arthurien, justement, on a vu dans les continuations de Perceval, le Tristan Ménestrel, où c'est une stratégie où tout le monde les chevaliers se déguisent en Ménestrel pour approcher la cour. Donc ça, c'est accidentellement arthurien. Ouais, c'est vrai que j'ai eu plus de plaisir, disons, à être... Ça marchait aussi parce qu'on était dans le public, il y avait la scène, il y avait des trucs accidentellement rigolos aussi, disons, dans l'esthétique... Je sais pas, ça m'a fait beaucoup marrer. Je sais pas pourquoi je me suis autant rigolé en voyant la croix de Lorraine sur le blason de Amadis, par exemple. C'est assez délicieux. Ah, mais parce qu'il s'appelle Amadis de Gaulle. Bah oui. Putain. Il s'appelle Amadis de Gaulle, donc c'est de Gaulle. Oh là là, non, j'étais là. Non. Non. Ok, j'ai rien dit, c'est de la merde, c'est n'importe quoi. Moi, je trouve ça. Moi, je non, trouve ça j'ai pas réalisé jusqu'à ce que je dise le nom. Ah putain, De Gaulle, d'accord. J'étais là, tiens, il a combattu dans la division blindée du général Leclerc. Non, littéralement De Gaulle, putain. Oh là là, oh quelle horreur. Qu'est-ce que je fais? C'est très bien. Je pense que c'est bien. Les costumes, c'est vraiment bien parce qu'ils ont mis. C'est bien trouvé, hein, si je arrive à trouver la blague que maintenant. Ils ont sorti toutes les idées qu'ils avaient, ils les ont empilées, puis ils les ont toutes faites. Et puis c'est ça qui fait que les costumes marchent assez bien. Après, je pense, disons, dans un peu la potacherie du truc, c'est. Malheureusement, il n'y a pas tant d'air mémorable que ça. Il y a la ronde des chevaliers de la table ronde qu'on vous a passée, donc c'est justement jamais plus joli métier ne fut dans le monde que celui de chevalier de la table ronde. Attention parce qu'elle reste. Hein. Elle reste vachement. Et puis aussi, c'est très. Il y a ce côté très justement, les chevaliers, c'est un, les jolis cœurs. 3, 4. Il y a ce côté très jolis cœurs, justement, nous consommons un nombre affreux de blondes et de brunes. Si on nous appelle des preux, c'est la blague des prunes. La bière aussi. Ouais. T'es sûr que c'est ça? Ah, moi, je pense, à mon avis. Il y a une blague sur la bière. À mon avis, ça m'étonnerait pas, disons. Mais disons, en tout cas, la consommation effrénée de femmes, qui est justement le lot de ces chevaliers qui viennent pour le tournoi, pour avoir le lot de consolation, la main de la princesse Angélique. Puis, honnêtement, en termes de. Il y a des côtés un peu bizarres, surtout quand on sait qu'Hervé a été condamné pour détournement de mineurs. On s'est dit peut-être qu'il voulait pas revenir avec un truc où le précepteur d'une fille essaye de la séduire. Bon, elle est techniquement majeure. Et puis où bon, il y a faut dire aussi l'implication, c'est que c'est Merlin le vrai précepteur, puis que lui c'est genre l'assistant de Merlin. Le sous-précepteur. C'est peut-être un peu. Moi, je crois qu'il l'appelle un pion d'ailleurs, un surveillant. Il dit que c'est un pion. Il y a ce côté un peu. Ce qui n'est pas moins glauque, hein, attention. Non, c'est pas moins glauque. Mais justement, il y a un côté un peu. Il faut dire que le contexte dans lequel c'est écrit, c'est celui du Second Empire et puis du début de cette espèce de mercantilisme et puis de consommation qu'on trouve à Paris. On cite souvent, même qui est plus tardif en fait, Au Bonheur des Dames de Zola qui parle de l'ouverture des premiers grands magasins à Paris. Puis directement, en fait, je m'en suis pas aperçu en regardant la version de Lausanne, mais en regardant la version française de 2015, enfin la version franco-italienne de 2015. C'est assez évident en fait. Mélusine au début, elle vend ses charmes. Mais elle vend ses charmes. Elle dit littéralement, elle vend mes charmes. Donc, littéralement, on parle de demi-monde. Et de, donc littéralement, c'est une courtisane, c'est une prostituée en fait. C'est, elle vend ses charmes et puis aussi elle. C'est complètement bête, mais je viens d'y réaliser maintenant que le terme vend ses charmes est littéral. Voilà, il y a une blague. Littéralement, mais c'est clairement un jeu de mots. Il y a un jeu de mots. Après, elle est pas, justement, Medellin, c'est pas vraiment une prostituée parce que c'est la femme fidèle, mais vous, elle est mauvaise parce qu'elle est possessive. Mais elle vend cliché, elle vend ses sortilèges au grand rabais. Donc elle vend littéralement. Il y a vraiment une foire où vous allez pouvoir acheter, tout le monde va pouvoir repartir avec un élixir. Pareil pour Merlin quand il se vend et puis il dit oui, je vends, je suis chimiste, docteur, droguiste, barbier, chirurgien, chanteur. Il fait tout, précepteur, donc il a vraiment, il vend son entreprise familiale un peu comme ça. Là, ils ont ajouté maison fondée en 1136 parce que probablement, ben Geoffrey de Monmouth, c'est l'apparition du personnage de Merlin, donc c'est ça. Ils ont googlé Merlin personnage depuis quand et puis ils ont trouvé 1136. Mais je pense qu'il y a ce côté justement où il y a une espèce de cette ouverture sur le grand rabais où Mélusine vend ses charmes, sur l'atmosphère de surconsommation. Puis bien sûr, c'est il y a pas vraiment de personnage positif dans une pièce comme ça. Donc vous avez des femmes qui sont infidèles, comme vous avez une femme vierge comme Angélique qui connaît rien à rien, puis elle est capricieuse et naïve parce qu'elle connaît rien à l'amour. Vous avez Totoche qui est une femme trop volage parce qu'elle trompe son mari puis elle l'aime pas. Et puis vous avez une femme qui est fidèle, mais du coup c'est pas bien parce qu'elle est trop possessive. Hein. Elle veut pas laisser Roland. Oui, c'est ça. C'est un peu la méchante, mais. Donc puis t'es là genre bah au final puis Roland lui-même bah c'est un belâtre qui est même pas justement. Ça dépend aussi beaucoup comment vous le jouez. Dans la version du Palazzo Bruzzani, il a l'air très. Ils sont dit on va faire un mec un peu bébête. Il est un peu bébête puis c'est. Un mec de banlieue machin, tu vois que bah dans la version dans la version de Lausanne, c'est il veut coucher avec, il veut s'emparer d'Angélique, mais pour s'emparer d'elle finalement, est-ce qu'il l'aime vraiment ou pas, on sait pas trop. Je pense aussi l'attrait de la couronne et du l'attrait de avec. D'ailleurs la Lausanne, ils ont fait une des blagues que j'ai trouvé qui marchait le mieux, c'est justement il dit un jour lointain vous aurez ma couronne, puis t'as Roland qui regarde la couronne puis dans un jour très lointain vous aurez ma couronne qui marche plutôt bien. Mais justement, vous avez cette espèce de truc où ben, la scène qui va vraiment confondre Roland parce que Médor a pris sa place pendant la nuit de noces, puis Médor justement n'est pas très positif non plus parce que c'est vraiment un pleutre aussi, puis il est un peu insidieux, puis il est pas, c'est pas quelqu'un qui est très sincère. Justement, il utilise des subterfuges pour parvenir à ses fins. Puis il y a une scène où elle, en fait, Angélique va dire « chantez la chanson que nous avons chantée ». Pendant que vous m'avez chanté pendant une noce, puis justement Roland sait pas parce qu'il était pas là, et puis il y a Médor qui est dans un coin qui va chanter, puis donc Roland fait semblant de chanter, puis Angélique se rend compte que la musique vient pas du même endroit, puis elle commence à se rendre compte que quelque chose va pas. Puis justement bah, dans la version du Palazzo Busani, ils ont été à fond dans le côté un peu luxurieux. Là par contre il y a une scène où justement Médor a l'air de dire qu'ils ont on a fait l'amour toute la nuit, en fait non c'est pas ça qu'il veut dire, il dit on a chanté toute la nuit, et que justement finalement ce qui attire Angélique vers Médor c'est la musique, c'est sa chanson. Puis donc il y a ça qui à mon avis permet de rendre un peu tout un petit peu moins glauque, en fait, c'est un peu la scène de dénouement où justement les gens se. Où finalement elle aime vraiment Médor pour ce qu'il était. Et puis Roland finit par se rendre compte qu'il préfère Mélusine. Roland dit je vais faire un scandale, finalement il dit bah, Mélusine, marions-nous. Puis il fait sa proposition de mariage à Mélusine, puis du coup ben, tout le monde revient. D'ailleurs, c'est Sacripant qui devient. Le duc à la place de. Sacripant devient roi parce que Rodomont, il y a une scène où justement Rodomont va tuer Sacripant parce que Rodomont croit que Sacripant couche avec sa fille, puis il lui dit donne-moi des détails sur comment votre. Parce qu'il dit je veux éviter le scandale, donc donne-moi des détails, soyons conciliants. Parce qu'il décide finalement que bon, bah finalement ça peut être Sacripant qui a pris la place de Roland, je m'en fiche, si c'est, je le marie avec ma fille, au moins lui il a de l'argent. Et au final, Sacripant va accidentellement révéler qu'en fait il a couché avec la duchesse. Avec la duchesse. Alors il veut l'embrocher, puis justement à ce moment-là, il y a la duchesse qui arrive, puis il dit ah bah c'est une très bonne idée, c'est une très bonne idée, Casimir, tu vas pouvoir. Oui, il s'appelle Casimir Rodomont en fait. Et tu vas pouvoir me débarrasser de ce pile. Quoi, c'est une très bonne idée. Puis alors elle le flatte, puis elle lui dit mais laisse-moi me venger moi-même de cet affront. Puis alors il lui donne l'épée, puis elle donne l'épée à Sacripant, puis c'est Sacripant qui fait « Ah, je vais pouvoir t'embrocher maintenant ». Finalement, le duc transige et dit « Bon, bah, tu peux avoir, j'en ai marre de tout ça, ça m'attire que des ennuis, tu peux avoir ma femme et ma couronne si tu veux ». Oui, il y a un côté vraiment anarchique là-dedans, topsy-turvy, pour parler dans des termes très bactériens. Rodomont, c'est le personnage qui est très imbu de lui-même, etc. D'ailleurs, il y a une de ses chansons, c'est justement celle où il dit « On verra ce que peut un prince qui rage et qui grince », qui a vraiment une espèce de pathos et puis de côté un peu dramatique ou qui montre sa vengeance. Et puis au final, c'est un personnage qui est ridicule et puis qui est pas vraiment suivi par la pièce. En fait, on se moque de ses déboires et puis de sa panique un peu constante par rapport à tout et de sa paranoïa aussi, qui tombe même pas complètement juste. Puis c'est un peu lui qui finit. Tout le monde finit à peu près bien à part c'est lui. C'est le dans en fait. La farce en fait. C'est le dans la farce. Comme tu le disais au début d'ailleurs. Non, il y a un côté. C'est assez amusant comme artefact culturel aussi. C'est assez révélateur aussi de la façon dont la légende arthurienne était perçue en fait au 19e siècle. Ça restait encore. C'est peut-être pour ça que c'est le plus intéressant, je dirais. Le côté, on est pas si loin de Wagner que ça non plus, finalement, parce que Wagner, c'est la grande version de la légende arthurienne à l'opéra. Hervé, c'est la version mineure, mais Hervé et Wagner se connaissaient en fait, et ils étaient amis. Enfin, ils sont rencontrés en tout cas une fois, dans une soirée. C'est une soirée mémorable, visiblement. Alors, apparemment, c'était en 1862, donc c'était avant qu'il écrit les Chevaliers de la Table Ronde. Oui. Et avant Parsifal et Lohengrin. Donc, c'est vraiment, on a blagué, genre, ils se sont rencontrés, peut-être qu'il lui a, il a écouté Hervé, puis il a magnifique l'âme. L'âme du peuple français. Mais c'est ça, en fait. Je crois que Hervé a réussi à capturer parfaitement le Volksgeist français. Il s'est dit, je vais faire un opéra bouffe de mélange de héros français. Wagner a entendu ça. Il a pas pu l'entendre, mais il était assez magnifique, splendide. Et puis finalement, il a fait son Parsifal qui était l'âme allemande, la profondeur de l'âme allemande, où c'est une femme qui pleure pendant 2h30 en mourant sur scène. Mais visiblement, ils étaient tous les deux suffisamment amis pour, une fois qu'ils se rencontrent, tomber d'accord sur beaucoup de choses, notamment sur la nécessité de faire de l'œuvre d'art une Gesamtkunstwerk. Donc une œuvre totale. Une totale, parce que Wagner explique à Hervé, selon les dires d'Hervé, que ah oui, moi je veux composer et écrire moi-même mes propres œuvres, c'est le seul moyen d'être en contrôle total sur la pièce. Puis Hervé dit oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais pas pour les mêmes raisons, parce que Hervé trouve que pour que ce soit drôle, en fait, que ce soit bien, la musique et les mots doivent avoir exactement le même niveau de débilité, en fait. C'est ça, il dit, moi aussi je fais mes propres livrets parce qu'ils doivent être nuls à chier. Alors en l'occurrence, c'est pas lui qui a fait le livret, c'était Duru. Mais il l'a quand même adapté beaucoup lui-même, visiblement. Il a quand même adapté, mais disons, il était là, genre, moi aussi je suis d'accord, faut que ce soit complètement. Si c'est pas moi qui le fais, ce sera pas assez con et puis ça marchera pas. Et donc c'est marrant que les deux bouts du spectre se soient rencontrés. Et puis apparemment, après Hervé s'est mis au piano, puis il a joué certains de ses morceaux des opéras qu'il avait fait à l'époque. Et puis Wagner se marrait, s'éclaffait, et puis il était à fond parce que justement il avait l'air musicalement de bien l'aimer. Et c'est quelque chose qu'on voit dans cette renaissance un peu de Hervé, que finalement ces musiques sont un peu bêtes, c'est-à-dire ou un peu populaires ou simples ou faciles, mais il y a aussi une vraie profondeur derrière, une vraie technique et parfois aussi un jeu musical qui est assez intéressant dans ce que permet l'opérette. Genre ils se permettent des choses qu'on mettrait pas dans une pièce sérieuse mais qui musicalement sont intéressantes. Je trouve justement il y a des moments où la musique et le chant s'arrêtent complètement et puis on reprend un peu, puis il y a un effet un peu comique. Il y a des onomatopées aussi. Des onomatopées. Pendant l'air de Mélusine et Médor, Médor fait des dim-boum-dim-boum ou des toin-toin-toin-toin. Alors c'est un peu frustrant parce que justement, comme on n'a pas le livret, il y a des moments où je comprenais pas ce qu'ils disaient. Puis en fait, c'est parce qu'ils utilisaient des onomatopées. Genre, typiquement, l'air de la ronde des chevaliers, ils disent trilouta, trilua, trititi. Et puis je comprenais pas ce qu'ils disaient. Puis en fait, ils disaient rien. Il y a aussi un moment, il y a des échos par exemple où Hervé fait en sorte que les derniers mots de Mélusine sont répétés par Médor et du coup ça fait des nouveaux mots. Par exemple, il y a une ligne où elle dit qui pourrait dire, et Médor répète juste la fin et ça dit redire. Donc c'est disons une blague de direction, quoi. Il y a une aussi typiquement dans l'air principal que vous avez entendu des chevaliers, il n'y a pas plus joli métier dans le monde, donc le plus joli métier, c'est peut-être une allusion à la prostitution déjà, mais surtout que celui de cheval, que celui de chevalier. Donc il y a la petite blague un peu comme ça, potache. Il y a des semi-blagues comme ça qui viennent de l'interaction avec la musique, ouais. Donc c'est peut-être un côté un peu plus rigolo à chercher dedans. Je sais pas si c'est ça que Wagner admirait profondément. Wagner a été émerveillé par ça. Bon, en l'occurrence, c'est un opéra qui a été fait après leur rencontre, mais. Mais non, mais en tout cas, je dirais que c'est un opéra qui effectivement n'a pas la profondeur musicale d'un Offenbach, ça c'est clair. Maintenant, ça reste une œuvre intéressante pour elle-même déjà, pour nous c'est intéressant parce que ça révèle la perception de la matière de Bretagne, du statut finalement relativement faible dans la culture populaire française du 19e siècle jusqu'à l'émergence réelle de tout ça vers la fin du 19e siècle. Là, on est encore dans une dimension où c'est des chevaliers finalement très différents qui tiennent le haut du pavé, c'est la matière de France et puis la matière de que ce soit à travers ses incarnations disons française ou italienne notamment, qui est mise en évidence. Et c'est d'ailleurs le cas en fait dans c'est la sublimation de tout ce qu'on a trouvé dans l'opéra italien des livrets de métastases à répétition au XVIIIe siècle, les 400 Armides et les 400 Tancrède et les 400 Geoffroy de Bouillon qui va trouver l'amour en allant conquérir Jérusalem. Ça c'est la version un peu sublimée, arthurianisée finalement, jusqu'à ce que maintenant je suis pas sûr que vous trouviez beaucoup de versions d'adaptation de l'Orlando Furioso à l'opéra, mais je pense qu'on trouve peut-être un peu plus d'adaptation arthurienne ces temps-ci sur les planches. Mais c'est sympa, je trouve que les moments où l'opéra brille vraiment, c'est la ronde des chevaliers, c'est un peu la meilleure chanson. D'ailleurs, à la fin de la production, ils l'ont chanté genre 6 fois, ils l'ont reprise genre 6 fois à la fin parce qu'il n'y a pas trop d'autres chansons. Il y en a 2-3 qui sont marrantes, la Duchesse Totoche qui dit si tu le fais pas pour ton mari, fais-le au moins pour ta famille, donc une espèce de résignation avant qu'Angélique se marie sur la vie de famille, c'est pas toujours de l'amour. La chanson de Rodomont, je la trouve pas mal. Après, c'est un peu stupide parce que finalement, c'est une chanson de vengeance, puis il va pas du tout avoir sa vengeance, mais elle a une vraie profondeur et elle pourrait être dans un opéra sérieux, en fait. Elle pourrait être dans un opéra plus sérieux, même si la musique, justement, c'est Garo, par la mort Dieu, Garo monsieur, puis donc le monsieur d'ailleurs qui est aussi très Astérix, et puis après, il chante gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar. Donc, on joue beaucoup des onomatopées, on joue beaucoup du manque de sérieux, mais il y a peu de moments. Il y a la chanson, je trouve, de Merlin et celle des Chevaliers de la Table Ronde, c'est celle où on a le plus justement cette atmosphère un peu cartoonesque où justement tout le monde reprend la chanson et danse, un peu et danse la ensemble chanson d'une chorégraphie. La chanson de One Knights of the Round Table de Monty Python. Elle est très, ça fait vraiment ça. Je pense que la version musicale préférée de la jeune Arthurienne, ça reste quand même Camelot, qui reste quand même à mon avis la plus complète et la plus, peut-être aussi la plus belle. C'est aussi la plus sérieuse d'une certaine façon. C'est, ironiquement, parce que même le King Arthur de Purcell n'est pas aussi sérieux. Non, c'est ça. Peut-être que ironiquement, elle est bien mieux que ce qu'on pensait. Peut-être qu'elle va être détrônée par Excalibur. Je sais pas, ça a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal. La musique est pas mal, j'aime bien. Les acteurs ont l'air assez à fond dedans. Bon, y a le côté un peu. Voilà, toujours la condensation nécessaire. De toute façon, un passage sur scène se prête rarement à quelque chose de très sérieux. Même chez Shakespeare, même les histoires les plus sombres de Shakespeare restent limitées par le médium, en fait, la scène. Et pour l'opérette et l'opéra, c'est, et la comédie musicale d'ailleurs, c'est plus vrai qu'encore, parce qu'il y a l'étape du passage à la musique qui apporte quelque chose de qui va nécessairement limiter à la fois en temps et en contexte et en façon de raconter l'histoire, qui va être inévitablement... disons nécessité de faire des choix et des sacrifices, et en l'occurrence les Chevaliers de la Table Ronde d'Hervé sacrifient surtout le sérieux et même la matière de Bretagne dans son ensemble pour faire quelque chose de drôle. Ça marche relativement bien, cela dit. Du coup, on vous laisse avec, si vous voulez, il y a une interview, on l'a dit, sur la RTS avec les producteurs qui peut parler, avec un chanteur et deux des chanteurs, dont un qui est aussi metteur en scène, qui peut vous parler un peu de ça. On a quelques vidéos teasers ou de costumes des personnages ainsi que des photos sur le site de l'Opéra de Lausanne. On vous laisse avec la vidéo Dailymotion de la production de 2015, qui est probablement celle que vous pourrez voir le plus facilement avant que Culturebox se rende compte qu'elle est là et la supprime probablement. Je sais pas, c'est les droits de France Télévision sont dessus, c'est du contenu à pas cher pour Culturebox, hein, qui a vocation quand même à être cette espèce de plateforme en ligne. Le site a été un peu ravalé, donc je crois qu'ils ont un peu oublié le compte Dailymotion qui était accroché à ça. C'est possible aussi. Et on vous laisse avec ce qu'on vous a dit sur aussi Hellboy, qui sortira bientôt en DVD, Excalibur si vous passez par Séoul, ou bien si vous voulez voir la présentation à la presse qu'on vous mettra en lien, ainsi que 2-3 autres liens liés à tout ce dont on vous a parlé ici sur Cursed, quelques-unes des premières images du livre et de la série télé. D'ici là, on vous retrouve le mois prochain. Et en attendant, n'oubliez pas, la quête continue. Je suis Merlin, je suis Merlin, successeur du fils de son père. Mon père était un grand malin, aussi malin comme mon père. Et moi-même en tout lieu, j'en perds. Je suis Merlin. Je suis malin, Merlin malin, moi le Merlin. Je suis malin comme mon père. En tout lieu, moi-même j'en perds. Droguiste, dentiste, maître d'école, parfumeur, légiste, chimiste, avocat, barbier, enchanteur. Je suis un peu de cela, parler, demander et me voilà, me voilà, me voilà, me voilà, me voilà, me voilà, me voilà, me voilà, me voilà. Je suis Merlin, successeur et fils de son père. Mon père était un gros malin. Je suis malin comme mon père. Et moi-même en tout lieu, j'en perds. Je suis Merlin, je suis malin. Merlin. Je suis malin comme mon père. En tout lieu, moi-même j'en perds. Il est malin comme son père. Et même en tout lieu, l'envers.